Il est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. À mes côtés, aujourd'hui, évidemment, l'immense Fred Savard. Ah oui, ah oui. Le seul et de Lévi Niquette. Salut. L'amusant Jean-Sébastien Girard. Allô. Et notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore... Bon dimanche tout le monde, merci aux gens studio et ceux qui nous écoutent à la maison. Et deux choses avant de commencer l'émission, on m'a fait remarquer hier qu'en terminant notre émission d'hier, je vous ai donné rendez-vous la semaine prochaine. Ah, ouais. Alors ben, je me suis trompé, alors j'espère que les gens sont à l'écoute quand même. Hein. Ben oui. Ils ont écouté à la semaine prochaine à la place. Ah, dites pas ça, Sébastien. Et donc, j'avais oublié. Alors, c'est dire à quel point j'avais hâte de vous retrouver. Ben ouais. Mais surtout, hier, j'ai oublié, pour ceux qui ont écouté, j'ai oublié de remercier la fabuleuse Louise Deschâtelet à la fin de l'émission. Notre invitée d'honneur. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission d'hier, mais Louise était franchement fabuleuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui! Voilà. Alors, là, je vais l'écouter en balado cette semaine, j'ai pas eu le temps hier. Vous êtes... C'était une très bonne émission, ouais, je vous le dis. Là. Et alors Louise, je sais que vous nous écoutez, parce que franchement, vous venez pas me dire que vous avez quelque chose d'autre à faire dimanche à cette heure-là. Alors, on a très hâte de vous revoir et on vous souhaite un joyeux anniversaire, parce qu'on va la rater votre fête. Hein? Jeudi, son anniversaire. C'est jeudi, son anniversaire. Ouais. Alors, tout le monde dans la salle et nous-mêmes, un petit joyeux anniversaire. Ah non, okay, quand même pas. Ça, c'est pour Louise Deschâtelet. C'était 3 minutes de moins qu'on a à faire. Et ça, c'est pour Louise Deschâtelet, ouais, ouais. Franchement. Quel public incroyable. On a un public incroyable. On a vraiment un public incroyable. La main sur le cœur. Ah oui. Écoutez, l'émission d'aujourd'hui, c'est fabuleux. On a Lisa Leblanc qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Vous l'aimez beaucoup, Fred Savard. Hein? J'adore Lisa Leblanc. Ben moi aussi, je l'aime, vraiment. Lisa Leblanc. Franchement, Jean-Sébastien ne répond pas, bizarre. Sinon, qui d'autre? On a également Stéphane. On a Stéphane Dompierre qui va être là pour nous parler de son recueil de nouvelles, ce qui était sous sa direction. En fait, ce sont des nouvelles érotiques. Oui. Nues. Qui a aimé ça? OK, d'accord. Oui. Et on va voir Marc-André Lucier qui va nous parler de films d'horreur également, des films d'horreur qui nous ont marqués. Oui. Moi, c'est... Mais bon, on va parler tantôt. Ah ouais? Non, mais c'est ce que je veux lancer tout de suite parce que j'aimerais ça que les gens nous envoient par... ben oui, c'est ça, on est interactif, Fred. Ça vous dérange pas tout le monde? Non, non, du tout. OK. Alors, envoyez-nous vos films d'horreur. Ben oui, on est interactif. Que les gens nous envoient leurs films d'horreur préférés. Ceux qui ont marqué, en fait, leur enfance. Personnellement, moi, c'est L'Exorciste. Alors, je sais pas vous. Sinon, quoi d'autre? Ah, ben il y a l'histoire de la radio de Fred Savard. Vous avez suivi l'histoire de la radio de Fred Savard? C'est ça. Pouvez-vous croire qu'on est à la troisième partie ouais, de cette non, histoire de radio-là? Non, mais je pensais pas que ça allait être si long que ça. J'étais sûr de m'en sortir en 2 semaines. Et d'après moi, on va se rendre jusqu'à Noël avec ça. Ça devient long, là. Moi, je sais bien, mais regarde. Moi, c'est une mission que je me suis donnée. J'arrête pas en cours de route. Ah, c'est vrai? Ah, non. Ah, mais c'est très intéressant quand même. Ouais. Alors, cette semaine, c'est de 1945 à... 1979. Il y a tellement, c'est tellement touffu. Ben oui, c'est correct. Quel médium c'est fantastique. Hein? Beaucoup mieux que la Mais les gens sont encore intéressés parce qu'il y a plein de gens ici ce soir pour vous voir raconter cette histoire-là. Oui, oui. Pas pour ça. Mais bon, de toute façon, il y a de l'alcool. Okay. Alors, si jamais c'est trop long. Vous avez fait quoi de votre samedi soir? Pour ma part, j'ai regardé SNL. Ah oui? On n'en parlera pas plus tard. Olivier, vous avez fait quoi, vous? Ah, Fred, vous? Moi, je suis allé souper chez Olivier. Ah oui, c'est vrai? J'ai été invité à souper chez Olivier. Oui, c'est vrai ça. D'ailleurs, j'ai pas été invité, moi. Un souper de couple avec Mme Savard et Mme Olivier et Olivier lui-même. Et c'était très agréable. Mais vous savez que c'est spécial, aller souper chez Olivier. Hein? C'est-à-dire? Parce qu'il parle pas beaucoup. À la maison non plus. Mais à un moment donné, on parle et whoop, il y a un extrait qui part. On sait pas pourquoi. Là, il y a un extrait de la radio de Québec. Là, en mangeant. Alors, mais vous savez qu'il y a eu la judicieuse idée quand même de marier une jeune femme très volubile. Oui, ça, c'est clair. Oui, alors. Non, mais c'est une belle soirée, sincèrement. Ça m'a permis de relaxer un petit peu. On n'a pas regardé le hockey. Alors, c'est pas vrai qu'il aime le sport tant que ça. On n'a pas du tout regardé le hockey. C'est un mythe. Hey, moi, ça fait 34 ans que je le connais, puis c'est à peine que je le connais vraiment. Ah ouais, hein? Olivier, vous avez fait quoi à part? Ben, moi, j'ai pris ça relax. J'ai regardé un film. tranquille. Mais. Ça, c'est sinon, très drôle. Sinon, j'ai pas très bien dormi parce que je m'en voulais de pas avoir passé le dernier extrait de. Extrait, justement, de ma chronique hier soir parce qu'on a manqué de temps parce qu'il fallait tellement parler de la météo de Poénégamouk hier. Hein. On n'a pas parlé de Olivier, vous savez, Olivier est ta mère depuis qu'on fait plus de météo, ça lui enlève du temps. Mais j'ai pas parlé de Poénégamouk, mais de toute façon, il fait 16 degrés à Poénégamouk. Parfait, merci. En tout cas, j'en parle parce qu'on n'a pas parlé d'une cause qui me tient beaucoup à cœur. Ah, voilà. C'est un combat initié par le FM 93 à Québec qui est toujours là pour défendre le col rouge et le payeur de taxes. Mais ils ont décidé de noliser 5 autobus pour amener des rednecks en Ontario acheter des bouteilles de vin moins chères qu'elles le sont à la SAQ. Moi, je trouve ça touchant que les gens se mobilisent pour économiser une pièce sur du Caballero de Chile. C'est vrai. Ils ont même fait une chanson pour se motiver. C'était une gang un peu tannée de se se faire exploiter, qui vont acheter du bon vino jusqu'en Ontario, du Beaujolais, du Muscadet. C'est beau, hein? Quand même? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est des amateurs de cépage en haie, hein? Oui. Il n'y a pas de syrah là-dedans. Hein? Non, faut que ça rime. Mais ils ont quand même eu un appui de taille. Hein? Le candidat du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, appuie leur cause. Alors moi, je pense qu'avec Pouliot à l'Assemblée nationale, on va l'avoir, notre permis de bière. Merci, Olivier. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Ben, la même chose que tous les week-ends. Hein? Tous les samedis et dimanches, je passe à peu près mes soirées à répondre aux fans qui nous écrivent. Parce qu'il y a beaucoup des courriels qui s'adressent à moi qui sont relayés dans ma boîte vocale par des messages vocaux, des messages par écrit. C'est vrai. Il y a beaucoup de « bon, Jean-Sébastien, c'est le plus drôle. Jean-Sébastien, c'est le plus intelligent. » Pour vrai, c'est le genre de message qui m'a un peu mal à l'aise, parce que moi, je trouve qu'on est une gang. Il n'y a pas de question de c'est qui le meilleur, c'est qui le plus drôle, qui a le plus de culture, genre d'affaire-là. Je trouve ça pas vraiment, vraiment drôle. Non. Cela étant, il y avait un courriel fort intéressant qui m'a été adressé par un monsieur Luc Roy de La Valtrie et qui nous dit « bonjour à toute l'équipe. Pour moi, les trois hits de l'émission, c'est l'histoire des Y, la radio Jean-Bourg d'Olivier et la blague du jour. » Est-ce que c'est vrai, ça? Oh, oui, ça, c'est un vrai courriel, absolument. Parce que quand les gens viennent de La Valtrie, c'est très douteux à chaque fois. Ouais. Et, non, absolument. Et ça nous dit « vous avez beaucoup le tour avec votre blague du jour, tellement qu'on a l'impression que c'est vous qui avez inventé le concept de la blague. Aussi, je me posais... C'est le public. Alors, aussi, je me posais une question par curiosité. Puisque vous travaillez là-dedans, est-ce que vous savez là-dedans? Est-ce que vous connaissez les origines de la blague? La blague, une fois, c'est un gars. Je serais curieux de savoir d'où ça vient. La blague? La blague. Vous avez fait des recherches? J'ai fait des recherches, effectivement. Et j'ai trouvé un véritable article, et ça, c'est tout à fait vrai, d'un article qui nous vient de Libération 2008. 2008? Ben oui, 2008. Vous savez, quand on lit vraiment la Libération, on dit dans le Libé. Ah oui? Ouais. Allez-y, continuez. Alors voilà, donc on relaie une étude qui a été menée pour vrai dans une université en Angleterre où on s'est vraiment posé cette question-là. Ça vient d'où la blague qu'on se raconte, la devinette, le petit calembour, le mot d'esprit. Et ça date quand même d'un certain temps. En fait, on a relayé 10 blagues qui datent d'il y a plusieurs années. Et selon ces chercheurs-là, la plus vieille blague aurait 1900 ans avant Jésus-Christ. Ah bon, ça presque 4000 ans. Hein. Et on disait que l'humour scatologique était déjà très populaire à l'époque chez les Sumériens, ben, un peuple qui vivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud de l'Irak, Jean-Philippe. Non, mais je jure, c'est vrai. Vous comprenez ça, là, je veux dire, attendez un peu. Vous mettrez le lien sur Twitter. Peut-être. OK, parfait. Okay. Voilà. Et donc, la plus vieille blague... Vous allez nous la raconter, là? Oui, absolument. J'invente rien. Là. C'est une vraie information. Non, la plus vieille blague serait celle-ci. Une fois traduite, ça ressemble à quelque chose comme « Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. » Et ça le punch, il n'y a pas de punch. Ah, c'est ça, OK. La plus vieille blague qu'on a trouvée, c'est 1900 ans avant Jésus-Christ. Ah, ouais. Philippe Bond ne l'a pas repris dans son dernier spectacle, celle-là. Ouais. Il faut quand même remettre la blague en perspective. Hein? Oui. C'est 1900 ans c'est avant vrai. Jésus-Christ. C'est vrai. Je veux dire, il y a des émissions de radio qui gagnent des oliviers avec des blagues. OK, Jean-Sébastien, je vous remercie énormément. Ben, c'est très gentil. C'est tout, vous avez terminé? Ah, oh, ben non, j'en aurais plein comme ça, mais on va manquer de temps, je pense. On manque déjà de temps ou on trouve le temps long. Ça dépend comment on voit ça. L'Internet, Olivier? Oui, bien, les gens peuvent aller sur notre site pour remplir le formulaire pour assister à l'émission qui est en direct du Helm au 273 Bernard Ouest à Montréal. Et notre site, c'est radio-canada.ca/la-soirée. On est aussi sur twitter.com/la-soirée, facebook.com/la-soirée est encore jeune et vous pouvez nous écrire à la-soirée@radio-canada.ca. Et aujourd'hui, la question du jour, ben, c'est en lien avec la prof du collège Jean de Brébeuf, Jacqueline Laurent Auger, qui a été congédiée parce qu'elle a joué dans un film érotique il y a 40 ans. Une brébovine qui se fait mettre dehors comme ça. Ben oui. Alors, la question, quelle autre personnalité devrait être congédiée en raison de son passé douteux? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Et on a plein de réponses déjà. Je ne veux pas voler de punch, mais il y en a quelques délicieuses, franchement, qui visent des gens dans l'équipe. Je dis ça comme ça. Alors, génial. Merci, Olivier. Nous, on va avoir les réponses en début de deuxième heure. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Fred Savard, le Jojo Savard de l'information spectacle. Franchement. Je trouvais que ça vous allait bien. Première nouvelle, évidemment, on apprenait avec tristesse que l'austérité frappe maintenant la faune. Oui, effectivement, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs suspend les rencontres des équipes qui travaillent à la protection de 29 espèces menacées. On n'a plus les moyens. Oh là là, une bien mauvaise nouvelle. Hein? Oui, surtout pour le Bloc québécois, l'éthique libérale et le jugement d'un militant péquiste, trois espèces particulièrement menacées. Ouf, ça n'a pas ri, hein? Les gens sont pas attentifs. Je me suis dit, je vais donner le temps un peu, que les gens rient, mais bon. Ça aurait pu être une blague qu'on aurait entendue 1900 ans avant Jésus-Christ. Particulièrement sur l'éthique libérale. Ouais. Vous vous rappelez des 43 jeunes malheureux étudiants disparus au Mexique, ouais, là, il y a quelques temps? Eh bien, paraît-il qu'ils intéressent le gouvernement Couillard. Ben oui, c'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, qui se demande si le Mexique n'aurait pas trouvé une solution originale au problème de financement des universités. Ah, ils l'ont compris, là. Ah bon, et quoi d'autre? Sinon, ben, la Cour suprême qui va entendre la cause entourant la prière au Conseil de ville de Saguenay. Oui, on sait que le maire Jean Tremblay, ouais, assiste au début de chaque séance du Conseil pour faire une prière, mais un groupe de citoyens pour la laïcité aimerait qu'il la fasse dans le privé. Interrogé sur le sujet, Jésus se range du côté des citoyens laïcs, prétextant qu'il y a toujours ben des crises de limites, même à son sujet. Ah oui? Ouais. Ah, sinon, quoi d'autre? Ah, ben, il y a Joël Lejean qui va sortir un album de Noël, évidemment. Ben oui, comme nous l'apprenait hier le chroniqueur culturel Jean-Sébastien Girard, le populaire non-chanteur Joël Lejean rajoute une corde à son arc avec un album de Noël. Interrogé sur le sujet, Jésus a répété « Il y a toujours ben des crises de limites. Ah. » Sinon, quoi d'autre? Ah ben, on apprenait qu'un groupe d'ornithologie ontarien, c'est pas une blague, était dans la mire de Revenu Canada. Effectivement, le Kitchener-Waterloo Field Naturalist a été averti par l'ARC qu'ils étaient sur le point de contrevenir à un règlement qui limite les activités politiques militantes. Mais est-ce que ce sont des terroristes? Ben presque, puisqu'ils ont déjà envoyé une lettre à deux ministres conservateurs afin de les sensibiliser au risque d'épandage de pesticides sur la survie des abeilles. Mais Revenu Canada a plutôt répliqué, paraît-il, qu'il détiendrait des informations à l'effet que le groupe d'ornithologues planifierait un coup d'État afin de remplacer le premier ministre Harper par une autruche et Maxime Bernier par un poulet géant. Ah, on ne verra pas trop la différence. Pas du tout. Merci beaucoup, Fred. La météo. Wow! Oh! Bon, c'est impressionnant, c'est, ouais, quand même. On se renouvelle beaucoup. Votre... C'est un concept assez fermé, mais quand même. Votre écho qui s'est rendu jusque dans les Maritimes. C'est vrai. Et, oui, justement, là, je vous ai parlé de Gonzalo hier, mais ça fait des ravages quand même à Terre-Neuve. C'est vrai. Oui, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, quelques inondations, mais ça n'a pas perturbé les vols de l'aéroport de Saint-Jean-Terre-Neuve. Et à Iqaluit, il fait moins 11, sincèrement. Hier, il faisait moins 8, oui, il fait moins 11. D'ici Noël, il devrait faire moins 100, je crois, s'il a... Si la tendance se maintient. Sinon, il fait assez beau dans l'ouest du pays. Et là, j'ai appris, il paraît que j'ai un blog scientifique sur les pages de Radio-Canada. On m'a appris ça aujourd'hui, je n'étais pas au courant. Okay. Alors, bonne chance pour le trouver. C'est sur les pages de Radio-Canada. Et on invite les gens à nous envoyer leur circulation. Là, oui. Hier, ça a bien fonctionné. Hein? Oui, oui, on a reçu une quarantaine de messages. J'en ai déjà reçu beaucoup. On rappelle que le pont Champlain est fermé tout le week-end en direction de la Rive-Sud. Et la ligne jaune également. Alors, les gens à la maison, restez chez vous. Je pense que la STM vous fait dire de rester chez vous. Depuis la radio, hein, tout simplement. Et ben, on revient plus tard avec la circulation. Eh bien, c'est le moment de débattre de sujets chauds avec nos experts ce soir. J'en garde un bon souvenir la semaine dernière. C'est votre segment préféré, arrêtez. Évidemment, je vous rappelle le principe. Je vais choisir les débatteurs, je choisis leur position et je choisis le sujet, tout ça au hasard. Vous aurez donc, c'est le hasard qui choisit, c'est pas vous. Oui. Ouais, vous avez un point. Je voulais dire, je pige. Merci. Alors, je vais piger tout ça au hasard. Merci, Olivier. Et vous aurez une minute pour faire valoir votre point. C'était même pas un extrait en plus. Hein. Il l'a vraiment dit. Mais c'est une blague qui est enregistrée. Attends, c'est pas Olivier qui parle en direct, là. Jean-Sébastien, vous êtes rude. Alors, vous avez une minute pour faire valoir votre point, 30 secondes pour répliquer. C'est une formule, en fait, qui nous permet d'avoir autant de crédibilité que tous les autres débatteurs dans les autres. Mais sans se préparer, c'est ça qui est bien. Ah oui, il faut pas se préparer. Je pense que c'est surévalué. Alors, qui va débattre aujourd'hui? Je pige ça. La première personne qui va débattre, ce sera Jean-Sébastien Girard. Qui... Ben voyons. Qui affrontera Fred Savard. Ah, bon, on dit pas encore. Oui. Jean-Sébastien, vous serez, je vous l'annonce immédiatement, pour. Et Fred, vous serez contre, évidemment. Okay. Et le sujet cette semaine, je le développe. Le livre « Changer les règles du jeu » pour ou contre le livre de Mélanie Joly. Alors, je vous rappelle que Jean-Sébastien, vous êtes pour. Fred, vous êtes contre. Oui. Jean-Sébastien, est-ce que vous commencez? Je vais laisser commencer. Fred. Vous avez une minute, Fred Savard. Bien évidemment, vous le savez, je suis contre un livre de Mélanie Joly parce que moi, je suis encore très, très fâché qu'elle ait décidé d'arrêter de faire de la politique à Montréal. Oui. Elle nous avait promis avant de se présenter qu'elle allait faire son mandat pendant 4 ans et elle n'a même pas fait une année. Oui, hein, mais elle n'a pas été élue non plus. Hein, ben oui, mais c'est pas grave, elle avait dit qu'elle allait rester pour se faire les dents et qu'elle aimait donc Montréal, que c'est important qu'elle aille plus loin. Puis elle voulait justement, parce que son livre, il y a un petit peu, l'idée, c'est d'abattre le cynisme. L'avez-vous lu, électeurs. Ben non, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu le livre. Mais je vais faire comme elle, je vais le commencer et je ne le finirai pas. Ah mon Dieu, vous êtes amère. Merci beaucoup. Ça a pris 30 secondes, hein. C'est peut-être assez aussi. Jean-Sébastien Girard. Ben moi, je suis pour. Et de toute façon, d'emblée, j'aurais été pour indépendamment du jeu. Vous savez, j'aime beaucoup Mélanie Joly. Ouais, je sais. Et moi, ce qui me fascine dans la sphère publique depuis une semaine, c'est de dire on chiale contre la sortie de ce livre-là, mais il n'y a personne, effectivement, qui l'a lu. On a juste. On fait comme quelle niaiseuse, personne sans contenu. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est quelqu'un, c'est une jeune, qui décide de prendre la parole, d'avancer des idées. C'est vrai. Peut-être que ces idées-là ne sont pas encore complètement développée comme elle serait dans sa pensée dans 10, dans 20, dans 30 ans. Mais je veux dire, est-ce que nous, on a écrit un livre, comme dirait maman, es-tu capable de faire la même affaire qu'elle, toi? Ça, non. C'est vrai. Quand on chante contre Céline Dion, elle dit, es-tu capable de remplir un Centre Bell? C'est vrai. Non. C'est vrai. Alors, le jour où je serai capable d'avoir suffisamment d'idées pour en faire un ouvrage, peut-être que je pourrais me lever dans la sphère publique puis dire que cette fille-là est une fumiste. Pour l'instant, je vais lire son livre et je me ferai une tête après. Et je pense qu'en 2014, quand on chante contre le cynisme, on doit applaudir quelqu'un qui a le courage d'avoir des idées, même si ces idées-là ne sont pas les mêmes que nous. C'est une fille qui est capable de se défendre et faire autre chose que de faire du Twitter, du Facebook, puis de montrer ses boules sur Instagram. C'est extrêmement convaincant. Je me demande, Fred Savard, est-ce que vous avez une réplique à ça? Je ne peux pas répondre à ça. Je suis complètement flabbergasté. Moi, je trouve que Jean-Sébastien devrait faire de l'improvisation à la LNI, parce que c'est ça qu'il vient de nous démontrer, dans le fond, avec un petit thème. Puis à la LNI, ils font un caucus, ils réfléchissent pendant 30 secondes, ils ne sont jamais aussi drôles que Jean-Sébastien. OK, mais je vais lancer ça, voir. Si on garde l'idée que Jean-Sébastien est pour quelque chose, parlons de boîtes postales communautaires. Hein? Vous savez, dans les villes de Charlemagne, Repentigny, Bois-des-Filions, Rosemère et Lorraine, ça va commencer dès cette semaine. Est-ce que vous êtes pour la fin des facteurs, Jean-Sébastien? Olivier est contre. Hein? C'est juste Jean-Sébastien qui est pour. Là. Je veux juste savoir à quel point vous êtes capable de vous virer sur un trottin. Je vais pas me donner un spectacle comme ça. Mais moi, vous n'avez vraiment pas ça. Non, moi, je suis pour parce que je pense que ça devient une espèce de point de chute physique où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger le courriel. Ça va devenir une espèce de nouveau perron de l'Église qui existait à une époque où on se rencontrait, qu'on pouvait parler. Je veux dire, on est encore aujourd'hui juste sur Twitter, Instagram, on monte nos boules sur Instagram. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher du courrier, parler de ce qu'on reçoit, etc.? Je pense que vous essayez pas préparé, humaniser les relations humaines. C'est carré. Voilà. Je vous jure qu'il n'y avait rien de préparé. Non. Bravo, Jean-Sébastien Girard. Vous avez encore remporté le débat. Voilà. Il est tellement bon que ça me tente même plus de venir me présenter pour faire ce débat-là. Mais rester chez moi et je vais aller sur Instagram. Ça pourrait être un débat. Ça démontre quoi? Jean-Sébastien pourrait être pour et contre en même temps. Hein? Ouais. La prochaine fois, vous débattrez vous-même, Jean-Sébastien, on verra qui va gagner. En attendant, on accueille notre premier invité. Auteur, compositrice, interprète, elle est le fleuron de la nouvelle musique acadienne et surtout l'orgueil de Rosaireville. Accueillons Lisa Leblanc! Salut les boys! Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va très, très bien. Très bien. On est très, très heureux de vous recevoir, Lisa Leblanc. Vraiment. Vraiment. Surtout qu'on vous accroche avant que vous partiez en tournée. Là. Oui. Combien de temps? Un mois. Ah, rien qu'un mois. Rien, là. Mon Dieu, on vous avait dit la part en tournée. Non, mais vous allez à New York la semaine prochaine. Oui. Vous allez faire quoi à New York? C'est qu'on est big shot. C'est pas ben, c'est ça qui arrive, hein? On va faire un showcase, actually. On va faire une vitrine là-bas. On est une gang de monde. C'est Impro Montréal qui organise ça. Fait que là, ben, on est. C'est pendant le festival CMG qui est un peu comme. Ah ouais? C'est ça. Il y a comme 1300 bands qui jouent dans 4 jours, là, genre d'affaires de même. Fait que nous autres, on va être un de ces 1300 bands-là qui va jouer un festasque. Vous jouez devant des producteurs américains ou européens aussi? Je pense que c'est un mélange de tout. Ouais, c'est gros, ouais. Ça. Je me rappelle, dans les années 90, il sortait des, il y a un magazine, CMG, il sortait des CD avec des nouveaux groupes. Elle est née dans les années 90. Ouais, ouais, c'est ça. C'est fou, hein? Non, mais je vous dis ça comme ça. Céline Dion a été découverte aux États-Unis avec un showcase. Il y avait Sony. Céline Dion a été découverte dans un showcase comme ça où elle chantait Toi, je crois toi. C'est une chanson qu'elle a chantée pour vrai. Ah oui? Dans un showcase comme ça qui a été présenté par Sony. Sa maison va quand même être démolie. C'est dégueulasse. Oui. Ben, peut-être, c'est peut-être votre chance de rencontrer votre René Angélil en même temps. Wow. En tout cas, je vous dis ça comme ça. Lisanne, vous êtes en nomination à la disque. C'est dimanche prochain, la disque, n'est-ce pas? Oui. Vous allez être de retour, là? Oui. Parce que vous allez remporter plein de trophées. Ben, je pense peut-être. Que oui. Là. Vous êtes dans la catégorie artiste québécoise étant le plus illustré hors Québec. Évidemment, Christian Rioux n'est pas d'accord avec cette catégorie-là. Mais on en parlera plus tard. Et interprète féminine de l'année. Mais surtout, vous venez présenter un nouveau disque. On va parler de Christian Rioux. Vous connaissez Christian Rioux? Il n'est pas d'accord avec le parler différent. Christian Rioux vient de nous écrire sur Twitter. Pour vrai, elle devrait être nommée dans la catégorie artiste s'étant illustrée dans une langue autre que le français. Franchement. C'est pas vrai qu'il écrit ça sur Twitter? Oui. C'est pas vrai en passant. Mais montrez-moi le disque parce que vous l'avez. OK. Bon. Je suis assez excitée. Je pense que j'ai quasiment dormi avec. J'en ai reçu le EP. Oui. Parce que je sors un EP, un mini-album, oui. le 4 novembre. Puis je l'ai eu. Fait que, tu sais, si tu peux le toucher, tu peux le toucher. Oui, c'est ça. Mais oui, je veux le toucher parce que moi, j'ai eu la chance d'écouter en version numérique, évidemment, mais je l'avais pas entre mes mains. C'est 6 chansons en anglais, dont une reprise qui est Cathy Cruel. Oui. Et 6, c'est peu 6 parce que c'est bon dans la boîte. Moi, je vais vous le dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'hier, Stéphie Choc est venu et il y avait juste 9 chansons. Ben oui. Moi, on dit 9 chansons. 9 chansons pour Il va dire à Stéphane Dompierre, il n'y a pas beaucoup de pages dans votre livre. Ben ça va être sa première question. La couleur est pas belle. Je vais le prendre en note quand même parce que je trouve que c'est une bonne question. Non, mais c'est vrai. Et je vais le dire, je l'ai depuis hier et je l'écoute en boucle. C'est très, très bon. Merci. Et là, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez tourner ici au Québec, mais est-ce que ça va être votre ticket pour partir un peu partout? Oui, c'est ça. On fait le lancement le 4 novembre au Corona. D'ailleurs, si ça vous tente de venir, vous êtes invité. Tout le monde ici, là? Tout le monde, toute la gang. Ah oui, c'est vrai? Ça va être le fun, écoute. Prenez ça en note, là. Puis après ça, ben, ça va faire des shows en Ontario. On fait Ottawa, Toronto, Hamilton. Puis après ça, on part dans l'Ouest. Fait qu'on fait Winnipeg jusqu'à Vancouver. Puis de retour, fait que ça va être vraiment le fun. C'est vraiment... Vous voulez essayer de percer un peu ailleurs que dans l'Est, en fait, que le Québec, que Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est votre objectif avec ça? Ça l'a pas été. En fait, quand je l'ai fait, cet EP-là est sorti vraiment random. Là. C'est comme un peu... Il y a une première tune qui est sortie qui est « You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too », qui est comme celle-là qui est le single, si tu veux, en ce moment. Puis ça a sorti vraiment out of the blue. J'étais la première à dire que ce que j'écrivais en anglais était vraiment poche. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ah oui, j'étais comme, ah, bon, ben, regarde ça. Ça vient de sortir. Puis je savais pas quoi faire avec ça. Puis j'ai commencé à la jouer en show. Puis fil en aiguille, ça a commencé un autre tune. Puis tout d'un coup, j'avais 4 tunes en anglais. Puis j'étais, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais pas faire un album complet. Pourquoi pas faire un EP? Surtout après le premier album. Ouais. Tu sais, c'était comme juste comme... J'étais comme, yeah, je fais ce que je veux. Ben, ça, c'est pas pire, ça, faire ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? Je vous entendais parler de Ma vie, c'est de la marde. Vous avez la même idée. C'est le même processus de création. C'était un peu random, Ma vie, c'est de la marde. C'est comme une joke, cette tune-là. On pensait pas l'endisquer. Finalement, c'est devenu un succès. Ça va devenir des succès, cette histoire-là. D'ailleurs, je veux qu'on écoute le You Look Like Trouble. Je vais demander qu'on en écoute un extrait. Ça vous dérange pas? Ben, go for it. OK, on y va. The smell of your old cigarette has stayed on my coat, and even though I find it kind of gross, it somehow comforts me. The great thing about us is that we're practically the same, and you know that's what scares me the most. C'est vraiment, je vous le dis là, j'ai longtemps cherché à savoir ça se comparait à quoi ça. C'est Fred, vous qui êtes un grand fan de musique folk, de musique country... Ben folk, pas tant que ça, je suis pas un si grand fan de... Mais je dirais, vite de même, là, ça me fait penser, on revient des années 90, un peu à Palace Music. Je sais pas si vous connaissez Palace Music. Non. Ben c'est ça, c'est folk. Non, mais c'est folk, guitare, touche country, mais plus folk, mais original, son original. Ouais, moi je connais... Comparer ça à Palace, mais c'est pas très connu, là, mais je suis pas, à la limite, je suis pas un fan de folk, mais moi, je les ai vus en spectacle en juin passé à la Saint-Jean-Baptiste. Ben, je m'en allais voir des amis anglophones prendre le thé. Je dis, mon Dieu, il y a un spectacle de Saint-Jean-Baptiste à côté de chez moi. Je vais arrêter, on va faire un petit tour, il y a beaucoup de monde. En fait, c'était à l'autre Saint-Jean, au parc. Et j'ai vraiment été flabbergasté, sincèrement. Vous avez volé le show, à mon avis, et vous étiez même pas... il y avait des gens, vous étiez trop de bonheur à mon avis, il était genre 6h30 7h je pense, j'arrivais ouais, ça que c'était early, il y avait des dead hobbies après et là, je suis parti, rendu là mais moi ça a été, mon coup de cœur était vraiment là, ouais, de voir en spectacle. Merci. Et vous torchez en spectacle. Ben, oui, mais non, ça c'est vraiment, vraiment. Et, c'est un langage que vous comprenez ça, hein? Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes le Christian Rioux de l'équipe? Ça se peut. On va en parler. On va en parler tout de suite de Christian Rioux, Bonlieu. Est-ce que est-ce que vous l'aimez? Premièrement, vous le savez, c'est le journaliste du Devoir qui a chroniqué, qui vous a envoyé une petite lettre en fait, qui n'était pas certain de comprendre votre accent, votre langue, la langue anglaise et française mélangée. Et ça m'a fait rire un peu parce que bon, évidemment, ça a créé toute une histoire, ça, cette lettre de Christian Rioux. Vous l'avez reçu comment? Parce que il a été critiqué, Christian Rioux, là-dessus. Là. Vraiment, il a été un peu tout seul dans son coin, j'ai eu l'impression. Mais vous l'avez pris comment, cet appel-là? J'étais contente qu'on ait... On m'a bien défendu. J'étais comme « Yeah! All right! » Mais l'affaire, c'est quand tu fais un album, puis un moment donné, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. T'sais, puis t'sais, la mauvaise critique, tu vas en avoir, ouais. C'est correct. Mais il faut que tu t'attendes à ça. C'est... Fait que quand est-ce que j'ai vu la lettre de Christian Rioux, c'est sûr que, bon, ben, c'est une critique comme un autre, on est du monde sensible, c'est sûr que tu fais, OK, pourquoi, OK, whatever. Mais. Pensez-vous qu'il a compris cette réponse-là? Peut-être. Ouais. Yeah, whatever. Comme peut-être que c'est OK, but you know. Puis, je sais pas, écoute, l'affaire about le débat de la langue qui est là, c'est très là en ce moment. C'est pas mal here. C'est très là. Ouais. C'est très là. C'est un débat qui, je pense, n'a pas vraiment changé depuis vraiment longtemps. Tu sais, je viens de l'Acadie, tu sais, on parle de Chiac. Chez nous, bon, de Moncton, tu sais, c'est comme, il y a vraiment un accent qui est super franglais, comparativement à, mettons, Rogersville, d'où je viens. Puis, où c'est plus des expressions traditionnelles, un peu d'anglicisme, mais c'est moins, mettons, comme vraiment franglais. Fait que, tu sais, il y a 20 ans, c'était pas le même accent qu'il y a en ce moment à Moncton. Mm-hmm. Puis, moi, je trouve, en tout cas, je m'assume complètement là-dedans que je parle comme quelqu'un de Moncton, c'est sûr. Puis, je sais pas, je suis fière de cette langue-là, puis je trouve que c'est juste comme c'est beau à entendre. Il y a quelque chose de tellement charismatique aussi de Moncton, puis le franglais qui se fait parler par là. On se l'est tout le temps fait dire, les Acadiens, comme « OK, vous parlez mal », tu sais, comme on se l'est tout le temps fait dire. Fait que là, tu sais, quand t'es à l'école, ouais. Nous autres, c'est juste comme, ben, pourquoi pas être plus fier de ce qu'on est que quand quelqu'un comme ton prof va te dire qu'il faut pas que tu parles de même, tu sais. Mais en même temps, c'est payant pour une artiste de se retrouver au cœur d'une controverse comme ça. Ça soulève les passions. Vous voyez, le public vous appuie. On parle Merci, de vous. Guys. Il y a quelque chose quand même de pas trop plate à se retrouver au cœur d'une petite controverse comme ça, j'imagine. Mais tant mieux si ça peut faire, si ça peut jaser. Tu sais, Radio était un des premiers qui sont débarqués, puis c'est vraiment, c'est encore pire que moi. Puis beaucoup de gens ont découvert ce groupe-là grâce à cette controverse-là. Puis tant mieux, tu sais, fait que, tu sais, il y a tellement de bons bands en ce moment qui sortent du Nouveau-Brunswick, là, tu sais, les Hey Baby sont là, les Hôtesses d'Hiller, puis, tu sais, Radio, il y a tellement du bon stock en ce moment qui sort, puis je trouve juste que c'est le fun à voir aller. Est-ce que ça débolait juste au Québec? Parce que je vous écoutais chez Laurent Ruquier en France, et puis tous les panélistes de Ruquier disaient « Ah, c'est le fun, cette langue-là, c'est une langue qui est vraie, c'est une langue qui est tripante, c'est une langue qui s'accroche au réel. » Et puis, ils n'ont pas du tout discuté de la polémique, en fait, qui a été soulevée par Rioux. C'est-tu juste au Québec qu'on a cette discussion-là sur cette langue mélangée-là? Parce que c'est pas du franglais comme les Français peuvent l'utiliser, là. Je pense pas que ce soit la même chose, mais... Est-ce que c'est seulement ici qu'on jase de cette polémique-là ou de cette question-là? Ben, je pense qu'en France, c'est en fait, c'est quand on dit la musique anglaise interprétée par des Français qui est partout. Fait que, t'sais, il y en a de plus en plus de bandes françaises qui chantent en anglais, puis c'est... Moi, je suis comme, oh my God, c'est tellement décevant. Holy man! Je suis comme, hey, wow, on se calme, le pompon, guys! Puis, fait que c'est sûr que là, tout le monde capote parce que tout le monde chante en anglais, puis l'accent est épouvantable. Fait que moi, je trouve ça hilarant, tu sais. Je suis comme, oh my goodness. Mais ici, oui, il y a des groupes qui parlent. Oui, c'est quand même fort, puis je le vois, là, c'est un peu de l'extérieur. Je me suis un peu décollée du débat, parce que à un moment donné, j'étais écœurée d'en parler, là. Puis d'essayer de le défendre pour I don't know why, mais, tu sais, avec les nouvelles, tu sais, des bands comme Dead Obies qui débarquent, qui eux autres aussi, en fait, jaser, veux, veux pas. Mais en fait, on dit ils ont fait jaser, mais ils ont fait jaser Christian Rioux. Fait que, je veux dire, ça, on arrête de le lire, c'est pas mal ça. Moi, ouais, c'est ça. next subject. Fred, vous, c'était quoi le groupe dont vous parliez qui ressemblait un peu au style de Lisa Leblanc? Palace Music, ben, la chanson particulièrement, pas le style en général, mais la dernière chanson. Ouais. Parce que c'est intéressant parce qu'on vient de recevoir un email de Kim Le Tendre qui nous dit l'extrait de chanson que vous venez de passer, donc, ressemble beaucoup à Michel Schacht. Est-ce que vous connaissez ça? C'est aussi dans les années 90. Ça vous fait deux groupes à aller chercher. C'est une chanteuse canadienne, je crois, Michel Schacht. Pardon? C'est une chanteuse canadienne. C'est vrai? Oui. Ah, ben, je connais. On remplit notre mandat. Ben voilà. C'est des points. Juste avant de se laisser, je veux absolument parler de ça. Vous êtes dans les duos improbables. C'est un... Bon. Et contrairement à sa réaction, ce n'est pas un disque d'humour. Non. Et c'est des duos, donc, qui sont... franchement, le vôtre, c'est avec Patrick Bourgeois des Bébés. Et vous jouez Donne-moi ma chance. Yep. Et, bon, là, première question, est-ce que vous avez eu besoin de le googler, Patrick Bourgeois, pour savoir c'était non. qui? C'est OK, ça, c'est malade. Quand est-ce que j'avais comme 4 ans, j'avais la cassette des Bébés. Pour vrai? Je te jure, du snob, là, a roulé. Un moment donné, je l'ai réentendu, mais... comme 2 ans passés, je me suis repogné l'album, je connais toutes les tunes. Ben oui, cœur, ben oui. J'étais là, yeah, et ça quel album! Ça a pogné ou pas? Et pour vrai, votre duo, il était cœur. Ben, c'était assez hilarious à faire, parce que moi, je me suis dit, tu sais, je haïssais le bluegrass quand j'étais une kid, je détestais ça, puis au même temps, fait que si on m'avait dit un jour tu vas faire un duo avec Patrick Bourgeois des Bébés en bluegrass, il y a de quoi, je sais, ça, non, ça aurait, non. Ben, du bébé en bluegrass, ça s'écoute bien. On écoute un extrait. Donne-moi ma chance. C'est meilleur que l'original. Oui. Sincèrement. Non, mais clairement. Pas de blague, c'est meilleur que l'original. C'est carrément. Je peux vous le dire, je les ai vus en spectacle. Je les ai vus en spectacle cet automne à l'Octoberfest de Repentigny, l'Octoberfest des Québécois. Et je suis allé à jeun, alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas trippé de tant que ça, mais cette version-là est nettement meilleure. Ouais, absolument. Ouais. Mais merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'heure, au moins, Lisa Blanc. Merci, Lisa. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous vous souvenez hier du caporal Jean-Guy qui nous expliquait que le taxi était dangereux pour les femmes. Il est de retour aujourd'hui, mais il nous explique que ce sont les vélos qui sont dangereux pour les femmes. On écoute. Bonjour, ici le caporal Jean-Guy. Ceci est un message d'intérêt public à l'usage des femmes qui nous écoutent. Comme nous l'apprenait un journal cette semaine, les poids lourds sur nos routes sont responsables du tiers des morts qui surviennent sur la route lorsqu'il y a un vélo d'impliqué. Et comme les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans notre société, elles sont plus susceptibles de mourir. Mais attention avant d'accuser les poids lourds, ce n'est pas de leur faute. Ils ne voient pas bien. Moi-même, qui est assez poids lourd au niveau du pondéral, je ne vois pas toujours autour de moi, imaginez sur la route. Voilà pourquoi le SPVM, en collaboration avec le Bon Sens, nous les invitons à rester chez elles au lieu de risquer leur vie sous les roues d'un poids lourd. Si elles veulent absolument se faire aller la pédale, elles peuvent toujours le faire sur des vélos stationnaires dans le confort de leur foyer. Comme ça, elles seront en forme de vie. Un message à votre caporal Jean-Guy, membre du SPVM. Le SPVM, se protéger, se servir. Oh! Regardez ce que dans ma besace! Chaque semaine, Jean-Sébastien remplit sa besace de trucs très intéressants et il vient nous les livrer. Elle est pleine comme jamais, cette besace. Ça va finir par vous exploser en pleine face, Jean-Philippe. Je commence tout d'abord par vous présenter cet ouvrage de Michel Louvain. Ouais. On a beaucoup entendu parler de Michel Louvain cette semaine. Les gens rient dans la salle, mais il n'y a aucune ironie dans ce que je fais. Évidemment, les gens riaient pas. Hein? Vous servez des gens. Évidemment, dans le bureau, on s'entend, on n'est pas des fans, personne de Michel Louvain, mais quand même, c'est un parcours vraiment intéressant. Qui a bercé notre enfance de plusieurs façons. On évoque souvent de bonne humeur, Fred et moi, dans le bureau. Et c'est aussi... C'est votre époque. Oui, un peu quand même. Les années 80, on allait beaucoup, Fred et moi, assister Vous alliez assister avec votre mère à l'enregistrement. Moi, je le regardais des fois en revenant de l'école, mais je n'étais pas vieux. Là. J'ai appris mon métier en allant voir de bonne humeur. ça n'a pas fonctionné. Voilà. Fort, donc, fort. Pourquoi je vous parle de ce coffret? Oui. Évidemment, ça retrace 60 ans. Et ça aussi, quand même, c'est impressionnant, 60 ans. Oui. Je ne sais pas si on va être là dans 60 ans. Je ne sais pas si Olivier va faire jouer des extraits encore dans 60 ans. Peut-être. Alors, alors, chapeau, Monsieur Louvain. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, et on ne va pas se faire semblant que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, parce que vous et oui. moi, on s'est garoché dessus oui. cette semaine parce qu'on apprend plein de choses, évidemment, sur sa vie. C'est sur vraiment son intéressant. Parcours. Pas c'est de blague. Très intéressant. Oui. Et ce qu'il y a de le fun, c'est que c'était une espèce de jouet, ce coffret-là, parce qu'il y a plein de facsimilés, plein de petits gugus, cool, d'objets ça. Le fun. Ça va vous rappeler plein de trucs, Fred. Un coupon pour assister à Louvain à la carte, ah oui. qui était l'émission qu'animait Michel Louvain aux Galeries de la Capitale. Est-ce que c'est encore bon si on veut y aller? Faudrait l'essayer. Okay. Place Laurier. Hein. Oui, voilà. Ouais. Un billet pour aller voir Michel Louvain, Gilles Latulippe au Théâtre des Variétés. On a même le talon de chèque d'un de ses premiers emplois, en fait. Donc, 600 $ pour un spectacle. C'est énorme. Chez Gérard. 600 $, on est en 1959. Imagine, hey. Je gagne pas le tiers de ça à la soirée étant encore jeune, Jean-Philippe. Ça va au talent, par contre, vous oui. le savez. Hein. Donc, il y a plein de choses vraiment formidables là-dedans. La seule chose qui est un peu décevante dans la biographie, c'est qu'il parle pas du tout de sa vie privée. Alors, bon, y es-tu marié, y as-tu des enfants? Ça, on le sait pas. Mais je veux dire, bon, il y a plein de gens qui décident de garder leur vie intime privée. Ouais. Éric Salvaille, tout ça, ça appartient à ces gens-là. Ouais. Je veux ça n'a pas de bon sens, Jean-Sébastien. Continuez avec quelque chose d'autre. Je veux vous parler aussi, parlant de Michel Louvain, ça m'a donné envie de refréquenter un documentaire que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle « Les dames en bleu » et qui parle, oui, de Michel Louvain, mais surtout de 5 fans, vraiment des fans intenses de Michel Louvain, en fait, qui proviennent de plusieurs générations différentes. C'est vraiment très, très, très, très, très intéressant. C'est des femmes qui sont très attachantes, parfois un peu troublantes. Je vous fais entendre un extrait que j'ai isolé, parce que là, on parle d'un fanatisme vraiment intense. En haut de son lit, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une belle maison. En haut de son lit, il y a une photo d'elle avec Michel Louvain. Elle dit, cette photo-là doit rester là. Si mon mari veut pas de photo de moi avec Michel Louvain, ben que le mari parte. Et écoutez l'extrait, vous allez voir à quel point c'est intense comme fanatisme. Voici un petit extrait. Je lui ai déjà dit, Michel, j'ai des petits-enfants adorables. J'ai mes enfants, mon mari, que j'adore, mais je préférais partir avant que Michel parte. Vous savez, c'est fou, hein? Mais plus que ça, je vais vous dire quelque chose, que nos préarrangements sont faits. Il y a des cercueils qui se vendent avec un tiroir. J'emmène mes enfants, mes petits-enfants, mon mari en premier, ça c'est sûr, les photos. Puis M. Louvain, il va avoir une place, il part. Ça, c'est mes dernières volontés, mais je ne vais pas être exposée. Mais ça, il y aura sa place. C'est à lui. Oh, oh mon... Ben, est-ce que des gens qui veulent mettre des photos de Jean-Philippe Vautier dans leur cercueil, Jean-Philippe? Ben, ça va arriver un jour. Hein? Est-ce que vous avez des fans comme ça, Lisa? Non! Ça vous manque? Aimeriez-vous avoir des fans comme ça? Non! Non! Mais bref, pour vrai, c'est quand même assez touchant. C'est des femmes qui sont très touchantes. Le casting est formidable. On a vraiment fait une espèce d'appel à tous pour trouver les 5 plus grandes fans. Elles sont vraiment touchantes. C'est quand même troublant. Mais Claude Demers, le réalisateur, se garde bien, lui, de porter un jugement sur sa façon de filmer, sur ses façons d'interroger ces femmes-là. C'est vraiment très intéressant. C'est sorti en 2009, Les Dames en bleu. Est-ce qu'on va pouvoir faire tirer ça dans le public après? Vous voulez les garder? Non, ça, c'est à moi. Ouais, ça m'appartient. Excusez-moi. Mais... Le livre de Michel Louvain, ça va me faire plaisir de le faire au public. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une belle nouvelle. J'ai acheté ça, là. Okay. des limites. Et j'aimerais terminer. Vous savez, j'aime beaucoup la chanson humoristique. Je fais jouer des fois des chansons ici, des appendices. Ça, c'est très drôle. C'est pas toujours drôle, des chansons humoristiques, mais quand c'est bien ficelé, ça peut être très amusant. Et là, il y a quelque chose qui m'a étonné cette semaine, un disque qui va sortir mardi prochain. Vous allez voir, vous allez pisser dans votre froc en entendant ça, Jean-Philippe. C'est une reprise de Sweet Dreams. Ah, de Eurythmics. Eurythmics, qui s'appelle Déprime. Et c'est extrait du nouvel album de Joanne Blouin. C'est vrai? Alors... Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui panique pas mal plus au sujet de Gaétan Barrette que de l'Ebola. J'ai déjà porté un parfum d'aspirine, mais ça a été très court. Ah oui, hein? Qu'est-ce que ça sent, l'aspirine? Ça sent la ouate. Je sais pas, aucune idée. Ah, mais c'est... mais quelle belle pièce, hein, quand même, de cet album-là. Oui. C'est subtil parce que la parodie, c'est un art. C'est pas accessible à tous, quand même. C'est vrai? Lisa, vous aimez beaucoup les reprises. Est-ce que vous aimez cette reprise? Absolument. Ah, oh. N'hésitez pas à parler dans le micro. Hein, vous êtes... Oh oui, sorry. Non, mais quand même, c'était quelque chose. Je pense qu'on va le faire tirer. Hein. Oui. Ah, mon Dieu, calmez-vous. Elle en fait d'autres. Elle fait « Née dans le Bayou ». Ouais, et reprend aussi une chanson de Coldplay. Enfin, on va arrêter d'en parler là. Ouais. Les gens qui sont dans la salle mes ont rêves, la chance. Mes rêves de satin, Nights in White Satin, ça c'est une belle chanson pour les amoureux. Okay, la première aussi, il y a une reprise de ABBA, c'est tu sais de Winners Take It. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Nous sommes au tribunal, bon, ouais. etc. Oh, oui, ça prouve que Joanne Blouin de l'humour, pardon. ben on va faire tirer ça aux chanceux dans la salle tout à l'heure, les mais en gens attendant, vont se bousculer pour pas le gagner, je pense. en attendant, on va aller à la circulation. La circulation. C'était très bon, mais je prends. Est-ce que Lisa pourrait me le faire, la circulation, si on vous l'envoyait? La circulation. Non, c'est la circulation. Je me demandais à Steve Chick hier de faire ça et je pense que ça sent l'album Hommage, Circulation, en arrière. On va s'en ramasser une coupe. Ah oui, c'est clair. Les gens ont répondu en grand nombre. Il y a J.M. Labbé qui nous dit à Québec qu'un cycliste est passé dans Limoilou. Les automobilistes perdent la bataille de la décence contre le lobby verdoyant. Pas le temps de niaiser, ça c'est sûrement pas un vrai nom. Pas très bonne depuis que je fais les recettes que vous proposez. Sa circulation est pas très bonne. C'est une très bonne recette. Martin Hubert à Lance au Griffon. Tout le monde joue bingo à la radio et les rues sont vides. Catherine Rochon, c'est Lance sur Broadway entre Maine et Kennedy à Winnipeg. Ah oui? Ouais, les gens nous écoutent de partout. Encore une fois, on remplit notre mandat. Dominique Dufour, un chevreuil qui a évité un chasseur, mais pas un char près de Locksville dans le Pontiac. Alors on fait attention, il y a un chevreuil sur la chaussée. Francis Benoît, les poussettes des chariots pour enfants font la file pour rentrer au parc des Saint-Martyrs à Québec. Le trottoir est complètement congestionné. J'imagine, Jean-Sébastien, hein, beaucoup de poussettes et d'enfants. C'est pas un endroit où vous aimeriez être. Mais il faut savoir, pour les gens qui n'écoutent pas, que Jean-Sébastien déteste les enfants. Ouais, ben, il est contre l'amour, en fait. Ah oui, mais ça, ça a toujours été ses problèmes. Il y a Manuel Gendron qui nous dit « Surveillance policière visible sur la 15 Sud à la hauteur de Saint-Jérôme, circulation abondante des Florides et fluide des Florides sur la 158. Et il neige dans le parc des Laurentides, all mes chers right! amis. » Ça, c'était le temps. On aime assez ça. Alors, c'est Jean-Martin Gagnon qui nous informe de ça. Assurez-vous d'avoir vos pneus d'hiver parce que Joël Legendre l'a dit. C'est l'hiver, c'est ce qu'il nous écrit. Ah, il y a des gens qui ont l'humour, hein? Un auditeur attentif. Est-ce que je peux mentionner aussi que Benoît Dicard, qui vous savez est un grand patron à Radio-Canada, l'information, qui nous écoute, hein, mais là, je ne sais pas si on a le droit de le dire. Enfin, il nous dit que dans sa petite rue de banlieue de Longueuil, circulation au ralenti, quatre garçons jouent au soccer. Ah. Ça oblige une auto à attendre. J'espère de temps que en les temps. Autorités vont intervenir. Ben, les enfants qui jouent dehors, franchement. Là. C'est tout ce qu'on souhaite. J'étais couché à cette heure-là, moi, avant. C'est vrai. Et quel bel enfant ça a fait aussi. vous savez, on innove cette semaine. En fait, c'est Olivier qui innove. Et vous savez ce qu'il nous a préparé? Non. Une chronique scientifique. Ah, ben oui, on a... Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans ce thème-là? Il y avait des petits bruits, là. Ouais, des petits bruits de science, là. Ça sentait la... Je sais pas si vous avez remarqué, ça sentait l'aspirine aussi. Mais c'est ça quand on déprime, hein, vous le savez. Ben oui, c'est ça. Imaginez-vous donc que la démocratie est en vacances cette semaine. Ah oui? Pas d'Assemblée nationale, pas de Chambre des communes. Fait que je me suis dit que j'allais vous parler de science. Peut-être que Charles Tisser va prendre sa retraite un jour, alors je vais me positionné pour le remplacer. Et ce sera une chronique sans extrait. Hey, oh! Oui, ça m'a demandé un peu de recherche quand même. Êtes-vous en burn-out? C'est difficile. Vous avez écrit un texte au complet? Seigneur. Non, mais ça m'a demandé un peu de recherche quand même, mais c'est plus compliqué que de pondre une opinion sur la bolle de toilette ou de cuisiner une recette pré-cuisinée. Mais quand même... J'ai récolté quelques nouvelles scientifiques. D'ailleurs, je les ai prises sur votre blog scientifique. Ben oui. Moi, je fais mes recettes sans lire de feuilles, par exemple. Jean-Sébastien, franchement. D'abord, il y a une étude de l'Université Emory à Atlanta qui révèle que plus un homme dépense d'argent pour une bague de fiançailles, moins le mariage va durer longtemps. Ah. Et beaucoup d'argent pour une bague, c'est combien, selon vous? 1 000 $. 500. 600. 500. Non, vous êtes cheap un peu. 1 $. Vous êtes contre l'amour, Jean-Sébastien. Non, en fait, c'est entre 2 000 et 4 000 $. Et mon Dieu! Ça veut dire que le taux de divorce pour ces personnes-là est 1,3 fois plus élevé. Quand même. Et pour les gens qui achètent des bagues de moins de 500 $, le taux est aussi plus élevé, donc il ne faut pas être trop cheap. Évidemment, la question que vous vous posez tous, c'est pourquoi ils font une étude là-dessus? Oui. Ben, c'est sûrement pour prouver que l'amour, ça ne s'achète pas. Oh. Même si on s'en doutait depuis le film Proposition indécente avec Demi Moore. Sinon, on a bien ri du docteur Gaétan Barrette qui a dit qu'il fallait plus s'inquiéter d'Ebola que du groupe État islamique. Mais savez-vous ce qu'il y a de pire? Le groupe État islamique qui pogne l'Ebola. Il y a le magazine Forbes qui nous apprend que des experts en terrorisme aux États-Unis craignent que des membres de l'État islamique fassent exprès pour pogner l'Ebola et aillent cracher d'en face des gens sur Times Square à New York. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. En même temps, ils ont des masques, ils ont des cagoules, fait que ça va... Ils sont voilés. Ouais. En tout cas, la guerre biologique, c'est quand même pas nouveau. Là. On a le général Amherst qui est soupçonné d'avoir voulu contaminer des couvertes de la petite vérole pour contaminer les Amérindiens. Vous savez, on prendrait bien un extrait à ce moment-ci. Hein? Non, j'aime ça. Puis à cette heure, Amherst, il y a une rue à son nom, fait que peut-être qu'un jour, on aura la rue Abou Bakar al-Baghdadi à Montréal, peut-être. Et vous avez vu la deuxième infirmière qui a été contaminée au Texas, elle a pris un vol de Frontier Airlines entre Cleveland et Dallas juste avant de se rendre compte qu'elle était infectée, et ceux qui ont pris son vol ont sûrement capoté, mais ça aurait pu être pire, elle aurait pu être avec Air Canada. Ils sont chanceux dans leur malchance quand même. Sinon, autre excellente nouvelle, la greffe de pénis humain conçue en laboratoire pour être testée sur des hommes dans les 5 prochaines années. Ben oui, l'Institut pour la médecine régénératrice de Wake Forest en Caroline du Nord espère avoir le feu vert de la Food and Drug Administration après des résultats encourageants lors de tests effectués sur des lapins depuis 2008. Donc, si vous croisez un lapin avec un gros phallus, là, c'est peut-être qu'il s'est échappé du labo de Wake Forest. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les petits pénis. Oui. Non, je pense au mandat, mais c'est bon, allez-y. Moi, je réponds plus dans ce temps-là. Hein. Vous avez remarqué, je laisse faire. Ben, le pénis, là, c'est un terme scientifique. Non, c'est vrai. Oh, oui, non, vous avez raison. Je sais pas pourquoi je. Vous avez raison. Voyons donc. J'irai plus loin quand même. Cette découverte-là aurait pu nous éviter la grande noirceur parce que j'ai appris ça cette semaine à Radio X. Ça doit être vrai. Dans la biographie de Conrad Black, on apprend que Duplessis aurait souffert d'hypospadias, qui est une malformation qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieure du pénis au lieu de son extrémité. Je vous invite à ne pas aller voir des photos de ça sur Internet. C'est pas super. Comment vous appelez ça, juste pour voir, comment vous appelez ça? Hypospadias. En tout cas, je suis pas mal sûr que si Duplessis avait été équipé pour veiller tard, il n'y en aurait pas eu de grande noirceur, il aurait ouvert les lumières, il aurait eu du fun. Mon Dieu, allez pas voir ça pour vrai. Je sais pas pourquoi je allais faire ça pour vrai. Je suis désolé. Sinon, selon 5 chercheurs du MIT, les participants de la télé-réalité Mars One, qui veut envoyer des gens sur Mars puis en faire un show de télé, là, ils vont mourir assez vite parce que les plantes qui doivent nourrir les colons produiront trop d'oxygène et la technologie pour équilibrer l'atmosphère n'a pas encore été développée. Donc, la mort du premier pionnier arrivera approximativement au bout de 68 jours de mission par asphyxie. Ensuite, le deuxième participant va mourir noyé dans le jacuzzi parce qu'il a trop bu de Coors Light. Et le troisième va mourir de honte après avoir frenché une martienne. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand même hein, pour gagner un bon galop à Brossard? Je pense que ça va être ça. Peut-être une dernière. Olivier, une petite dernière quand même. Oui, une petite dernière. Est-ce que, messieurs, vous faites pipi debout ou assis, vous? C'était peut-être la dernière, finalement. En tout cas, rassurez-vous, ça n'a aucune influence sur votre santé. Il y a des chercheurs qui ont découvert ça là, de l'Université York au Royaume-Uni. C'est seulement chez les hommes âgés que ça peut avoir une influence à cause que c'est... peut-être trop de recherche. Hein? Ben oui. Hein? Mais vous savez, on donne trop d'argent pour la science. C'est meilleur pour la prostate de faire pipi assis quand on est plus vieux. Ah oui, c'est vrai? À partir de quel âge? Prenez ça en note. 43. Ah ouais? Dit-il en me regardant. Je vois plusieurs personnes dans la salle qui se regardent. Là. Oh là là. Merci beaucoup, Olivier. Belle chronique scientifique quand même. On en a appris beaucoup. Jean-Sébastien, avant de se quitter pour les nouvelles, dites-moi, est-ce que vous avez des questions pour notre invité, Lisa Leblanc? Oui, quelques questions, mais beaucoup de témoignages, surtout les gens à qui on a demandé « Avez-vous des questions pour Lisa Leblanc? » nous répondent « Mon Dieu, je l'aime, elle est donc bien hot, elle est belle et formidable. » Les gens vous aiment beaucoup, pour vrai. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de questions... Il n'y a pas beaucoup de questions méchantes, malheureusement. Il y a même un Luc-Antoine Couchy qui vous dit « On vous aime beaucoup. Est-ce que tu as ça, un cow-boy dans ta vie? » Oh, shit, you went there. Yeah, he went. So, la question. La réponse. Non? Non? Il y a du monde. Il y a un gars en première rangée qui prend des photos. Je vous le dis. Mon Dieu. Et il y a Dan Rousseau, je pense qu'il veut devenir scripteur, qui nous a envoyé ceci. Après, ma vie, c'est de la merde. Est-ce que Lisa pensait changer son nom pour Lisa Lebrun? Je vous lis ce que les auditeurs nous envoient. Les gens, là, des fois, là. Franchement. Moi, je prends le feu là-dedans. Franchement. Ben merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est un plaisir pour moi. Juste avant de se quitter, je vous rappelle, Marc-André Lucier va être avec nous pour la deuxième heure. Et ça va être les films d'horreur. Et vraiment, on a plein de suggestions. Et je me demande, Lisa, est-ce que vous aviez un film d'horreur fétiche quand vous étiez plus jeune? Je suis pas capable, man. J'haïs tellement comme la suspense dans des films. Comme pour vrai, je suis un enfant de 3 ans. Là. Comme je vais avoir peur pour comme 2 mois après, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir dormir. Là. Fait que je suis comme. On dirait que c'est un blocage émotif que je me suis dit plus jamais. Fait que les vos films d'horreur, c'est quoi? C'est genre les films de Disney ou quoi? Ben oui, c'est ça. Ah oui, hein, c'est à ce point-là. On a posé la question à Olivier cette semaine dans le bureau, son film d'horreur préféré. Il nous a répondu les ploufs. C'est faux. Hey! Non, mais c'est vrai qu'il a répondu ça. Toujours est-il que c'est déjà la fin de la première heure. Hey, Lisa, est-ce que vous restez pour la deuxième heure? Ben oui. Ah, ça, c'est une très, très belle nouvelle. Merci beaucoup, Lisa. Ben, je rappelle, hein, votre prochain disque va être dans les bacs le 4 novembre prochain. Oui, ça s'en vient. Ben, on a très hâte de pouvoir l'entendre et de pouvoir le distribuer. Merci beaucoup, Lisa. Vous restez avec nous après les nouvelles. On se retrouve après une dizaine de minutes. Donc, Marc-André Lucier qui va être là et Stéphane Dompierre. Merci tout le monde. On se reparle dans 10 minutes. Deuxième heure, toujours en compagnie de Fred Savard, oh, Jean-Sébastien Girard. Hello. Olivier Niquette. Ouais. S'ajoute autour de la table notre chroniqueur cinéma préféré, Marc-André Lucier. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, les garçons. Allô. Bonjour. On a encore Lisa Leblanc qui est avec nous, mais là, elle est dans le bar en train de prendre un petit verre. Elle va venir nous rejoindre tantôt. Hein. C'est relax ici, quand même. On va avoir Stéphane Dompierre tout bientôt pour nous parler du recueil de nouvelles cochonnes nues. C'est un recueil de nouvelles cochonnes. On en a lu des parties, hein. Très, très excité. Olivier, est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour? Oui, on rappelle la question. Une prof a été congédiée parce qu'elle a joué dans un film érotique il y a 40 ans. Quelle autre personnalité devrait être congédiée en raison de son passé douteux? On a Micheline d'abord qui nous dit « Plusieurs ministres du PLQ, tant pour leur passé que pour leur présent. » Sinon, on a Louis qui nous dit « Jean-Philippe Vautier pour son passage à l'émission d'Éric Salvaire qui était presque exclusivement consacré à ses cheveux. » Ben quand même, c'est ma plus grande source de contenu. C'est vrai que c'était passionnant. Dans le même genre, on a Stéphane qui dit « Jean-Philippe Vautier pour son passage en tant qu'invité à C'est juste de la TV, LOL. » Je ne sais même pas, j'ai déjà été invité là? Semble-t-il. Ah, OK. Ça a marqué ça des gens. Ça donne pas envie de reprendre le câble, en tout cas. Non. On a Didier qui nous dit « Yves Bolduc, Gaétan Barrette, Philippe Couillard, Stephen Harper et Fred Savard pour avoir fait partie des apartistes. » C'est le fun de retrouver... C'est un rire nerveux, je ne trouve pas ça drôle du tout. Il y en a beaucoup qui ont parlé des apartistes. Ben ouais, hein. Ben, ça a été marquant, que voulez-vous? Il y a Frédéric qui nous dit Jean-Sébastien Girard pour son interprétation du truculent Monsieur Truc à l'émission l'après-midi par conseil. C'était pas moi. Les gens, arrêtez, c'était vous. Il y a aussi quelqu'un qui nous a parlé des bronzés font de la radio. Deux démissions pour Jean-Sébastien. Je trouve ça difficile, ça. Mais en même temps, c'est pas faux. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Sont-tu capable de faire ce que j'ai fait, ce monde-là? Hein? Plusieurs, il y en animera un talk show, puis ils viendront me voir après. Bon. C'était un talk show? Alors, on n'a jamais été certain c'était quoi. Hein? C'est ça, l'affaire. La circulation. Je suis désolé, j'ai encore Lisa Leblanc avec moi. Je pense qu'on va la faire par Lisa Leblanc, la circulation. Ça vous dérange pas? La circulation! Yeah! Ah, ben, il y avait un petit côté country dans. Et ça tombe bien parce que. Bluegrass. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'Alexandre Martin nous écrit de Lexington au Kentucky, c'est pas des blagues. J'écoute religieusement votre émission pour étirer le plaisir. J'écoute des émissions dans ma voiture en segment d'environ 25 minutes le matin et soir pour aller travailler. Juste, ouais, regarde, je suis en train de travailler, c'est pas grave. Allez-y, passez devant moi, les amis. On se passe des verres d'alcool. Ouais, alors, je vous propose donc de lire la météo, la circulation pour Lexington, Kentucky. Pour la semaine qui s'en vient, de cette façon d'écrire le podcast. Ouais. Alors, lundi, circulation fluide en direction du centre-ville, malgré un accident au coin de New Circle. Nuageux maximum de 15. Là, je sais pas si t'en 500 Fahrenheit en Celsius. C'est quand même au Kentucky. Accident, mardi, accident au coin de Harrisburg. Nuageux, maximum 14. Mercredi, l'équipe de basket a été spotée près du Memorial Hall. Tout est bloqué. Jeudi, rien à signaler. Partiellement ensoleillé. Et vendredi, embouteillage monstre au coin de Maine et Broadway. On a des gens qui nous écoutent de partout. Vous vous rappelez, là, peut-être trois semaines, il y avait quelqu'un qui nous avait appelé d'Indonésie, qui nous avait écrit d'Indonésie. Alors, c'est mon véritable salaire. Au-delà des dizaines de milliers de dollars que je reçois hebdomadairement pour faire cette émission, mon réel salaire, là, c'est quand des gens nous écrivent comme ça de si loin. Oui, mais moi aussi, il y a des princesses africaines qui m'écrivent. Oui, pour vous demander de les aider avec un 5 000 $ pour leur héritage, ouais, je comprends. C'est rien 5 000 pour ce qui t'offre. Non, j'avoue. La semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, Fred, ma tante vous avait écrit de Vancouver pour vous dire qu'il faisait nuageux. Elle m'a réécrit cette semaine et j'ai préféré pas en parler parce que je trouve ça un petit peu malaisant que les membres de votre famille m'écrivent pour qu'on dise le petit message. Il pleut toujours à Vancouver, on le sait. Pas besoin de dire. Mon Dieu, vous êtes désagréable. Merci, on la salue hein, quand même, ma tante. Marc-André Lucier, vous revenez de New York, mais vous revenez surtout juste avant l'Halloween. Et vous savez, on est des amateurs de films d'horreur ici, c'est pas vrai. C'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. Ah bon? On déteste ça, mais quand même. J'ai déjà été quand même. C'est vrai? Oui, ben oui, adolescent, c'est le fun. Mais on s'est dit que si on recevait un spécialiste de cinéma, il faut parler de films d'horreur. Il fallait parler de films d'horreur. Et vous venez nous parler de films d'horreur. De Hot Dog. C'est un très bon film, ça, par contre. Hein? Oui. Bon, ça correspond à un besoin que je ne comprends pas personnellement. Moi, personnellement, je ne suis pas très friand de ce genre-là, mais je constate que c'est un genre qui fonctionne parce que vous mettez un film d'horreur à l'affiche, vous ne faites même pas de promotion, il n'y a aucune vedette dans ce film-là, et les trois quarts du temps, ça va être le film qui va faire le plus d'argent au box-office pendant le week-end. À ce point-là, il y a eu Annabelle il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, je pense. Mais vous savez qu'Annabelle, on a fait ici un segment de Vu, pas vu avec Annabelle, et c'est Olivier et Michel Desautels qui ont débattu sur ce film-là. Hein. Mais là, il y a un phénomène autour d'Annabelle. C'est qu'il y a... En France. Oui, en France. C'est seulement en France? À ce que je sache, oui. Où on est obligé de le déprogrammer parce qu'il y a parce que grabuge. Ça provoque de la turbulence dans les salles. Ouais. On dirait que ça... Ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le... Mais oui, mais vous l'avez vu. Je comprends pas, moi. Personne ne comprend, mais il semblerait qu'il y a du grabuge dans les salles. Il y a des jeunes délinquants. C'est ça. Et puis, c'est pas des problèmes qui profitent de ce film-là pour faire du grabuge dans les salles, mais je pense pas que ça a rien à voir avec le contenu. Je pense qu'il y a trop de jeunes. Ça doit être ça. va falloir le régler, le problème. Ça, c'est toujours le problème. Évidemment, on vous a envoyé, nous, nos films qui nous ont marqué le plus pendant notre enfance. Je l'ai dit tantôt, moi, c'est L'Exorciste. Fred, c'est quel? Moi, c'est pas tout à fait un film d'horreur, mais c'est Les Dents de la Mer. Moi, le jazz, j'ai encore du plaisir à regarder ce film-là, qui me fait encore peur, même si je l'ai vu. Particulièrement la scène dans le bateau, où ils se racontent leur cicatrice. Et... Avec une partition musicale géniale de John Williams. Habituellement, je trouve que ce qu'il fait est très grandiloquent, mais là, ça colle parfaitement. Puis ne serait-ce que des quelques notes de piano comme ça, ça crée ça crée l'angoisse immédiatement. Oui. Je disais que... Pour votre choix, Jean-Philippe, L'Exorciste. Parlons de L'Exorciste, parce que je sais pas s'il y a des gens dans la salle qui l'ont vu, L'Exorciste. Des gens à la maison, certainement. On a reçu dans des suggestions sur Twitter, d'ailleurs. Moi, L'Exorciste a brisé ma vie pendant 2-3 semaines facile. C'est pas une blague, hein? Vous l'avez même pas vu à la sortie. Parce que j'étais même pas né. Quand c'est sorti en 1973, il y avait vraiment des ambulanciers qui attendaient à la porte parce que les gens tombaient dans les pommes, les gens tombaient malades. Et plus le phénomène s'accentuait et plus le film devenait populaire. Alors, allez comprendre quelque chose. On va aller au cinéma pour se sentir mal. Et donc, c'est ce qui est arrivé à l'époque, mais ça a vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'ai lancé un petit appel sur Twitter à l'heure. Et puis, L'Exorciste, c'est le titre qui revient vraiment le plus souvent là, dans le film qui a vraiment... marquer des gens, là. Mais c'était complètement inutile, ce film-là. J'ai détesté ça. Pas de joke, ça a brisé ma vie pour des mois à venir. Les esprits, ça fonctionne très bien. Ouais. Hein. Franchement, dans des films d'horreur, les esprits, encore plus que les zombies, encore plus que toute autre chose. Et il faut dire que c'était le premier du genre, ou à peu près. Ouais. Après ça, il y a eu tellement de mauvaises copies là, de films d'horreur sur la possession et des gens qui étaient possédés du démon, etc. C'est dégueulasse. Oui, dégueulasse. Mais Jazz, parlez-nous un peu de Jazz, parce que ça... On en a parlé avec John Williams et tout, mais quand même, on n'a pas revu un film de Spielberg de cette trempe-là, en fait, dans ce... dans ce créneau-là? Oui, dans ce créneau-là, c'est, ça n'a jamais... Non, c'est vrai. Il n'a jamais... parce qu'il bon, il avait débuté sa carrière au cinéma avec Duel. Oui. C'était un suspense. Bon, oui, c'était pas un film d'horreur. Non, non, non. Mais c'était un suspense absolument incroyable. C'est un téléfilm. Hein? Il n'a pas été projeté en grand écran. C'est-à-dire qu'il a été projeté sur grand écran en Europe. Okay. Mais en Amérique du Nord, oui. c'était considéré comme un téléfilm. Oui. Il a été projeté à la télévision. Et c'était un suspense absolument extraordinaire. C'est parce que contrairement aux autres trucs avec des bonhommes ensanglantés et tout, il y a un ancrage dans le réel dans ce film-là. Je pense que c'est ça l'important. Puis je pense que c'est ce qui est le plus efficace parce que maintenant, on a droit à des super productions de centaines de millions de dollars, les Spider-Man, les Iron Man, et etc. Et il n'y a absolument rien de réaliste là-dedans. Non. Alors que je trouve que des films qui misent sur une action qui est ancré dans le réalisme, c'est d'autant plus efficace parce que là, on peut vraiment ressentir des choses. Et Jaws a bien vieilli, contrairement, en tout cas à mon avis, contrairement à L'Exorciste que j'ai revu la semaine passée. Et le régurgie vert fluo dans L'Exorciste, on sent pas vraiment. Je trouve pas que ça a super bien vieilli, contrairement à Jaws, qui est encore le fun d'écouter. Ben, parlant d'ancrage dans la réalité, le film que choisit Jean-Sébastien, et j'aurais pu le choisir aussi, c'est Arachnophobie. Pour ceux qui l'ont écouté, je sens des réactions dans la salle là, en ce moment. Franchement, moi, ça m'a donné la chienne pour le reste de ma vie des araignées. Ma vie a été détruite à plusieurs égards à cause de films d'horreur. Sachez-le. Et je me souviens vraiment de l'état dans lequel j'étais quand je suis sorti du cinéma, l'espèce de fébrilité, l'espèce de peur qui m'habitait, justement parce qu'il y a un ancrage dans le réel, parce que c'est comme The Birds, hein, c'est comme quand ça fait appel à des choses qui se peut un peu. Bon, on imagine que ça se peut pas vraiment se faire attaquer par des araignées comme ça. Mais avez-vous remarqué comment nos vies sont scrappées par des films qu'on voit jeunes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein? C'est dégueulasse. Il y a des scènes qu'on revoit souvent dans des situations. Je veux dire, il y a personne qui va se baigner maintenant sans jamais penser qu'on peut se faire arracher une jambe ou. Moi, j'ai vu Sissi jeune et je m'en suis jamais remis. Vous aviez peur de quoi? De Denis Rapéry? J'avais peur de l'Autriche. J'avais peur de l'Autriche années. Ouais. Mais, et dans les titres qui reviennent souvent aussi, on ne peut pas oublier The Shining. Non, il y a juste... Il y a Yves Desgagné qui nous a écrit pour nous dire The Shining, moi, vraiment, ça a été quelque chose. Et il y a aussi... Et Orange Mécanique de Stanley Kubrick aussi. Franchement. Dans un autre créneau, mais... C'est pas loin de la maladie mentale, ces histoires-là. On est assez près, mais... Il y a Olivier qui avait choisi, et ça m'a surpris, The Fly. Oui, parce que j'ai pas vraiment beaucoup écouté de films d'horreur quand j'étais jeune, donc c'est plus science-fiction, mais ça m'a fait peur, puis parce qu'il était pas très beau, Jeff Goldblum, là-dedans, il devenait pas très beau, puis depuis ce temps-là, chaque fois que je me téléporte, j'ai un peu la chienne. Il parle pas souvent, mais il y a tout le temps une bonne blague. Mais dans les films de science-fiction, il y avait le premier Alien aussi, qui était d'une espèce de résultat. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une des actrices dont j'oublie le nom, parce que Ridley Scott, qui était le réalisateur, au moment du tournage, il n'avait pas averti tout le monde de ce qui allait se passer sur le plateau. C'est vrai? Alors, il y avait John Hurt, évidemment, qui savait ce qu'il faisait, là. Sigourney Weaver aussi. Mais il y a une scène, à un moment donné, où la bibitte sort et ça le sang gicle et tous les acteurs autour ne savaient pas. Il y a une actrice qui a friqué complètement Mais il paraît que dans L'Exorciste, c'est la même chose aussi. À un moment donné, il y a des comédiens qui, quand ils pratiquent, je pense que c'est pas le curé le plus vieux, c'est le plus jeune, il en reçoit dans le visage du régurgie et il n'était pas au courant du tout. Et son expression faciale, c'est vraiment du réel dégoût. C'est le fun d'être acteur. Hein? Oui, c'est le fun. Ben évidemment, on pourrait parler de ça pendant encore 20 minutes, là, mais on nous parle beaucoup des films d'Alfred Hitchcock. On en avait parlé au bureau. Oui, ben Psycho. Oui, Psycho, franchement. Les oiseaux aussi, The Birds. Oui, sauf que tu vois les films pas mal. Hein? Dans The Birds, ça a moins bien vieilli. Oui. Tu sais, on va se le dire. Mais Psycho, il y a des générations de femmes qui n'ont jamais pris leur douche de leur vie. Ben, c'est ça la petite senteur aussi. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous restez avec nous pour le reste de l'émission, hein, Marc-André. Merci énormément. Parce que vraiment, on va accueillir notre deuxième invité. Auteur à succès depuis son premier roman il y a 10 ans. Aujourd'hui, il se met à nu pour le plaisir de nos oreilles. Accueillons M. Stéphane Dompierre. Stéphane Dompierre, bienvenue à la soirée T'es encore jeune. Salut, c'est belle fun ici. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est rock. Ah ben, c'est... on est un peu rock'n'roll. Effectivement, la foule est en délire. Il y a des gens qui se déshabillent. C'est capoté. Non, mais regardez. Ah ouais, c'est pas pire. Avez-vous déjà eu des foules comme ça, vous? Non, écoute, j'ai fait des shows rock, puis il fallait qu'on aille dehors chercher du monde pour venir à nos spectacles. C'est vrai, hein? J'ai déjà fait un spectacle où on a dédié une chanson à chacun des chacune des personnes qui étaient dans la salle. Combien de chansons? 3-4? Une douzaine. Ah, mais ben oui, c'est vrai, vous avez commencé dans la musique, Stéphane Dompierre. Oui. Finalement, ça n'a pas fonctionné, vous avez écrit. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Vous venez de publier Nu, qui est un recueil de nouvelles érotiques, qui est sous votre direction. On avait, il y a deux semaines, Patrick Sénécal. Mm-hmm. Et on n'avait pas reçu le livre encore. Ouais. Son texte, Baisse fondatrice, il nous en avait parlé un peu. J'ai eu maintenant la chance de lire. J'ai lu la vôtre également et quelques-unes. Et je me suis posé la question, à quoi ça sert d'écrire des nouvelles érotiques en 2014, alors qu'on peut aller facilement se complaire sur l'Internet? Écoute, c'est toute l'utilité de la chose. Je me suis aperçu après coup que on est tellement bombardé d'images sexuelles toutes faites, de choses qu'on veut voir et pas nécessairement voir aussi. On en a plus qu'on demande. C'est ce qui est drôle. En ce moment même, Marc-André Lucien regarde des images sur son téléphone. Ah oui, voilà. Extraordinaire. J'en parlais avec Mathieu Simard hier. Ouais. Les Québécois, en fait, qui font du porn, tu regardes ça, puis c'est des douchebags. Ben, t'as pas envie soudainement de tripoter en gardant des douchebags s'accoupler, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. La nouvelle érotique te permet en fait de ramener des images toi-même. C'est toi qui fabriques les images. On est tellement bombardé de tout qu'on a tout vu, mais là, c'est toi qui t'appropries ça. Tu peux te mettre en scène. Tu peux mettre en scène la meilleure amie de ta blonde. Tu sais, t'as des affaires weird. Tu peux ce que tu veux. C'est pas moi, c'est un exemple. Oh, okay. C'est un exemple. C'est pour les tordus dans la salle. Ah ouais, s'il y en a, là, c'est pas... Les gens, tu sais. Mais quand même, je comprends parce que je lisais la nouvelle de Marie-Hélène Poitras qui, évidemment... concerne des chevaux. Oui. Hein? Elle inclut des chevaux dans sa nouvelle érotique. Mais c'est pas ce que vous pensez. Hein? C'est... Ben, en même temps, vous dites ça, c'est quasiment ce que vous pensez. Pas de... Mais dans ça, il y a de tout. Hein? Ouais. Il y a du hardcore, ouais. Votre nouvelle, qui est à quelque part. Ouais, qui est la pire, graphique. Finalement, qui est la pire. Ouais, ben, écoute, pour ce que j'ai lu, je peux dire que franchement, ça va loin. Ouais. Alors que Marie-Hélène, elle, c'est plus dans l'érotisme. Ouais, c'est que dans le désir, c'est l'attente. Le... Comment on réunit ces textes-là? C'est-à-dire que vous étiez le directeur de ce regroupement-là. Est-ce que vous commandiez des œuvres? Est-ce que vous vouliez des directions? Est-ce que vous aviez une direction? Oui, la direction était très simple. Moi, j'ai invité qui je voulais. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai invité des amis à écrire des nouvelles. Et ma direction était très simple. Je voulais que ça soit le fun. Je voulais que ça soit ludique. Ouais. Je voulais que les gens reposent au recueil et aient encore envie d'avoir des relations sexuelles. Je voulais pas des histoires de viol, d'inceste et de machin. Je voulais vraiment que ça soit le fun. Et pour ça, je trouve que le pari est réussi. Puis au-delà de ça, il y a tout le côté littéraire de la chose aussi. On a fait une grande, grande direction littéraire. On voulait pas que ça ait l'air justement des nouvelles un peu ramassées de fond de tiroir. Donc, puis après ça, ben, ça a été de monter le recueil. Le recueil est monté comme un spectacle rock. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences avec quelque chose de... un sure shot, quelque chose que tout le monde va aimer. Après ça, tu vas un peu dans... Tu sais, tu mets pas ta balade en partant. Là. Non, mais donc, c'est... Donc, Marie-Hélène, par exemple, ouais. Qui est quand même assez soft, n'est pas au début. Tu sais, on l'a placé, on a fait bien attention de doser les choses. Et curieusement, la plus dure à placer, ça a été la mienne, parce que je me suis aperçu que c'est moi qui ai été le plus hardcore là-dedans. Puis pas rien qu'un peu, hein? Non, pas... non, mais on va... D'ailleurs, Jean-Sébastien, qui adore les lectures érotiques, s'est dit, je pense qu'on va... C'est de la littérature érotique d'anticipation, votre... Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Écoute, un moment donné, j'étais à... C'était-tu à Chicoutimi? C'est une ville très érotique. Oh, mon Dieu, c'est pas normal. Je sais plus, écoute. Mélanger les deux, hein? À un moment donné, je passe devant un bar un peu dance le soir et il y a des films de cul qui jouent. Ah, c'est pas Chicoutimi. Là, c'est weird. Je vous le dis. Je me souviens pas c'est où. Vous connaissez Manston? Non, écoute. Lisa Leblanc pense pas que c'est Manston. Faut que je me souvienne c'est où. Bref, on continue. Là, il y a un bar de chansonnier. Petit gratteau de guitare dans la fenêtre. Je regarde, il y a encore des films de cul. Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc. Fait que de là est partie l'idée de, OK, vous en voulez du sexe, on va vous en donner. Qu'est-ce que ça donne une société où t'en as partout? Là? Donc, vous l'imaginez en 2040, c'est peut-être aujourd'hui dans un monde plus sexué. C'est peut-être dans un futur proche. J'en parle pas vraiment. Et vous avez inventé des applications assez intéressantes. Oui, parce que oui. Vous utilisez là-dedans, au lieu d'être un iPhone, c'est un CellPod. Ouais. Et, on imagine c'est quoi, là. Mais Jean-Sébastien, lisez-en un petit... Un petit extrait, parce que je trouve que avec votre voix, franchement, ça prend toute sa forme. Alors, musique. Oh yeah! J'ai 6 minutes d'avance, alors je regarde quelque chose du gangbang de MILF asiatique. Je réponds à mes Twitter mails et j'installe les 3 mises à jour quotidiennes d'iTunes sur mon appareil. FaceGram me signale qu'un de mes contacts vient d'entrer, alors je consulte l'écran. C'est effectivement Julianne Marie-Neige, pile à l'heure. Ses actualités, elle vient tout juste de terminer ses règles, elle s'est lavé les cheveux ce matin et son alimentation du jour est pauvre en fibres. Je lui fais signe, mais malheureusement, elle me voit pas. Elle finalement réussit à me trouver au bar grâce au radar de son FaceGram. On se salue, on s'embrasse langue contre langue et on confirme sur nos réseaux sociaux que nous sommes bien à notre rendez-vous. Je baisse le volume de la musique pour mieux entendre ce qu'elle me dit. Elle ouvre son application Fuckface et consulte nos fiches respectives. Je l'observe un peu pendant ce temps-là, sans qu'elle s'en rende compte, et je suis un peu rassuré. Elle ne semble pas du tout photoshoppée dans sa vidéo de présentation. Elle a les mêmes cheveux courts, le même visage avec des lèvres pulpeuses et quelques taches de rousseur autour du nez. Je ne saurais pas le dire avec certitude parce qu'en ce moment, elle est habillée, mais elle a probablement les mêmes mensurations qu'annoncées. L'honnêteté est une qualité si rare qu'on ne s'y croirait plus, mais je décide de lui accorder ma confiance. En me fiant à sa fille, je peux donc conclure qu'elle a 20 ans, qu'elle est curieuse, ouverte d'esprit, joyeusement maladroite, qu'elle aime les repas entre amis, la marche en montagne et l'automutilation. Bref, une jeune femme saine et équilibrée. Notre test de compatibilité affiche un résultat de 56%, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que ça tourne habituellement autour de 30-35% avec les filles que je trouve attirantes. Ça m'étonne que vous aimiez mes seins à 90%. Je fais quand même seulement du 34B. Ben, c'est parce que les gros seins, ça me rappelle ma mère, alors je préfère éviter ça. Lol. Pendant que j'y pense, Julianne Marie-Neige, ça vous dérange si notre conversation est disponible en écoute, en temps réel, sur mon blog? Ah non, c'est correct, je fais la même chose. OK, super. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ben, je parlais des notes que vous m'avez données. J'étais surprise que vous m'aviez accordé un 100% à ma chatte. Juste synchroniser le son en même temps que... Enfin... Ah, 100%. C'est la première chose qui m'a attiré sur votre fiche. Ça, et puis votre bouche de suceuse. Merci, Jean-Sébastien. Ben... Mon Dieu, il y a des gens qui sont évanouis dans la salle, ben Jean-Sébastien. Oui. C'est ça qui se passe, hein? Vous pensiez à quoi en écrivant cette nouvelle-là? Pas de blague. Écoute, c'est vraiment... Je me suis dit, OK, vous en voulez du sexe, on va vous en donner, tu sais. Puis dans le fond, c'est une espèce d'histoire d'amour au temps du sexe, finalement. Puis, ben, je... C'est bon... C'est à quoi je pensais, j'aime mieux pas le savoir. Non, mais c'est une nouvelle, donc on peut imaginer que ça pourrait prendre un livre aussi. Est-ce que vous avez envie d'écrire sur du... sur du roman, quelque chose d'aussi violent, quelque chose d'aussi... Non, je pense pas que ça tiendrait la route. Ben, franchement, dans un... ça serait trop. J'ai l'impression que ça, ça serait d'une agressivité... Il y a de Lily Gulliver des années 2000. Non, vraiment pas. Ben, tu vois aussi, il y a quelque chose dans le recueil de nouvelles. Je crois que la nouvelle, ça pourrait être bien à l'érotisme parce que c'est assez court dans le temps. Tu sais, écrire un roman érotique... T'as beaucoup de longueur là-dedans. Là. C'est vraiment dans tous les sens du terme. Ouais. Je peux pas dire longueur avec roman, sac, personnerie. C'est, non, ouais. C'est plate, mais c'est ça. On est très... on est dans notre période anale. Mais ouais. Ça s'adresse à qui? Qui lit de la littérature érotique? Écoute, pour moi, c'est pas la question que je me suis posée. La question que je me suis posée, c'est... Nous, la jeune génération d'écrivains québécois, comment on peut écrire le sexe? Ah oh. C'est comment ça s'écrit? C'est des codes qu'on s'était pas posé la question. Il n'y a pas grand monde là-dedans qui écrit du sexe en temps normal. Et ça nous a obligés à redéfinir notre travail, de dire, OK, on se positionne comment? Est-ce qu'on écrit quelque chose qui nous excite, quelque chose qui va exciter le lecteur? Est-ce qu'on pense au lecteur en écrivant? Et je crois que tout le monde là-dedans a eu une grande leçon d'écriture parce que ça nous oblige à comprendre le processus littéraire. Parce que est-ce que votre fantasme est le fantasme des autres? Puis est-ce que votre nouvelle, c'est votre fantasme? Ben pas du tout. Ah! Absolument pas. Ah, ben non, pour ça moi, me rassure. Non, c'est quoi votre fantasme? Non. Ben, je pense... Hey boy, non. C'est une émission familiale. Oh, oui, oui. Voilà. Parlant de ça, c'est vraie question. Ben oui, non, c'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, parlant de vraie question, j'en ai une ici pour vous. Dans le communiqué du lancement du recueil nu, on apprenait que vous avez eu une relation avec une seule des personnes du recueil. Ouais. Et que c'était pas faute d'essayer pour les autres. Alors, je les nomme comme ça, OK? Alors, okay. J'entends que c'est une fille, là. Marie-Hélène Poitras, Roxane Bouchard, Véronique Marcotte, Nancy Bépilon, Isabelle Massé, Chloé Varin, Milena Babin, il y a également Elsa Paventi, Geneviève Janel, Sophie Bienvenue. C'est qui, hein? C'est pas nécessairement une femme, non plus. Ben non, mais je vais la... Ben, ben, non. Ben non, mais c'est ça, hein? Société moderne. Mais vous pouvez pas écrire ça dans un communiqué puis qu'on vous pose pas la question, Stéphane Dombière. Ben c'est plate si j'y réponds, non? Ça tue le mystère? Non. Ça tue le... Non, vraiment pas. Il y a aucun problème, si vous référez. OK, écoute, je vais te le dire. J'imagine que ton émission n'est pas écoutée de toute façon. J'ai fréquenté Véronique Marcotte pendant 8 mois. Donc. OK, parfait. Voilà. On voulait mettre un bip dessus, mais on n'a pas eu le temps de le trouver. Je suis désolé. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, bien Stéphane. Sûr. Merci beaucoup à Stéphane Dompierre. Merci, Stéphane. Merci. Vous savez, on prépare toujours une petite chanson. Chacun des membres de l'équipe a une chanson par week-end. Et ça fait maintenant 4 semaines de suite que Olivier n'a pas le temps de passer sa chanson. C'est une chanson des lutins qu'on ne passera pas encore une fois aujourd'hui. On n'a pas le temps de dire. La semaine prochaine. Je suis désolé. Nous, il faut s'informer, il faut apprendre, évidemment, avec professeur Savard. Histoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Oh. Oui, Fred Savard, ouais. On le disait au début de l'émission, Fred Savard nous fait une histoire d'un je sujet donné. Je m'improvise, historien. Oh, ben vous êtes très bon. Non. Et ça fait maintenant 3 semaines qu'il nous raconte l'histoire de la radio. Déjà. On pensait qu'il allait faire ça en une émission, finalement, non, c'est rendu non, à... Ouais, ouais. C'est sa troisième. Ben, peut-être deux, mais là, je me rends compte, et, ouais, c'est très touffu, en fait. Oui, tout à fait. On en a jusqu'au mois de juin. Alors, la semaine passée, on finissait avec la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et la radio était un petit peu dans son âge d'or. Et là, les années 40, fin 40, début 50, donc, là, ça va prendre son air d'aller vraiment c'est et s'installer dans la culture québécoise. Là, je me concentre sur le Québec et sur la radio francophone, parce que sinon, là, on s'en sortirait pas, sincèrement. Alors, mais je le dis c'est pour même. Vous, hein. Alors, CKC, CBF, Radio-Canada, il y a deux radios, tout se passe sur l'AM. Il y a deux stations. Il y avait pas de FM, là. Il y en avait une, mais ça c'était pas écouté encore. OK, d'accord. C'était pas développé du tout. Tout se passe sur l'AM. C'est un peu comme Radio X à Montréal, là. C'était pas un très, petit très, peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. En 46, ça existe, mais on sait pas. Apparition de CKVL, donc un troisième joueur, et ça va un petit peu révolutionner le domaine. Roger Beaulieu, qui était la grande voix de Radio-Canada, va quitter pour aller à CKVL. C'est une grosse prise. C'est un peu comme si vous vous en alliez au 98.5, Jean-Philippe. Il y a des gens qui le souhaitent ardemment, là, mais c'est pas arrivé encore. C'est un beau compliment. Radio X. Et donc, la compétition augmente d'un cran. Et CKC va tenter une première à la fin des années 40. C'est diffusé pendant 24 heures et ça va être un échec assez monumental. Ils vont s'arrêter à 1 heure du matin. 24 heures de temps. Parce que sinon, la programmation, c'est à peu près 12 heures par jour. Et sinon, on va inaugurer deux nouveaux segments. D'abord, Camille Hout, qui est maire de Montréal, va commencer une tradition que le maire Coderre fait présentement à la télévision. C'est qu'il va avoir une émission de radio pour répondre aux questions des Montréalais et pour parler de ses politiques. Et devinez comment va s'appeler cette émission? Pensez au département des communications de Radio-Canada. Ah ben dites-moi pas des choses comme ça, là. Ça pourrait mal sortir. Mais ça s'appelle Ici Montréal. L'émission s'appelle Ici Montréal. On n'a rien inventé. 1947. Hein? Ah, oui. Autre innovation, c'est la lecture quotidienne des avis de décès. Une pratique à peu près unique au Québec à l'époque. On lit vraiment qui est mort, qui est décédé à la radio. Ça devait poigner. Et moi, j'ai même souvenir, quand j'étais jeune à Saint-Hyacinthe, ma grand-mère qui écoutait ça, et je me rappelle, est décédée paisiblement, Madame Rosario Flamand, ta-ta-ta-ta-ta, et on parle des années 70, fait que ça a fait très longtemps, et c'est un souvenir très, très, très marquant pour moi. C'est un petit peu comme vous avec vos films d'horreur, là. Ça vous a marqué, ça a détruit votre vie. Sauf que moi, ça n'est pas allé dans mes cheveux, par exemple, contrairement à vous. La station CKVL aussi va rapidement trouver sa niche et se démarquer des deux autres stations en mettant beaucoup, beaucoup de musique, et va même mettre sur la map, si on peut dire, mettre sur la carte deux grands artistes québécois. Oscar Peterson, c'est CKVL qui va le faire tourner, qui va le faire jouer, la musique. Un concours amateur, il avait 14 ans. Et Félix Leclerc, qui va faire ses auditions devant un grand producteur français qui est Jacques Canetti, dans les studios de CKVL. Et Canetti va le signer sur le champ, va l'amener en France, parce qu'il était un inconnu au Québec. Et c'est en revenant de France que Félix Leclerc a eu sa renommée au Québec, parce qu'avant ça, les gens s'en... Sacré. Ah oui, donc c'est la radio qui a formé Félix Leclerc, qui a créé. Oui, parce que va faire ça avec Lisa Leblanc aussi. Oui, mais je pense que ça va bien déjà. Ah, OK, parfait. Non, je sais pas. 1950, inauguration d'un segment, d'une émission en fait, qui va durer 20 ans et qui sera la plus écoutée au Canada à l'époque, c'est Le Chapelet en famille. Ah oui, Tous les soirs à 19h, le Québec arrête tout, s'agenouille et prie le Saint-Pierre. L'émission de 15 minutes est tellement populaire que les autres stations de radio et quand la télé va apparaître également, et même les programmateurs de salles de spectacle vont mettre leur début de spectacle à 19h15 parce que tout le monde écoute le Chapelet. Et pendant 20 ans, sur les ondes de la radio, à la fin du Chapelet, on va entendre la désormais phrase célèbre « Une famille qui prie est une famille unie ». Voilà. Vous en souvenez, Jean Sébastien? Oui, mais je me souviens pas d'avoir assisté ça, mais j'ai de la culture, j'ai lu des affaires. Ouais, voilà. 1952, septembre, c'est l'apparition de la télévision. Tout le monde, évidemment, prédit la fin de la radio. Ça n'arrivera pas. Sauf que les radios romans, vous vous rappelez la semaine passée, je vous en parlais, les radios romans qui ont vraiment marqué la radio vont, eux, disparaître parce que tout ça va se transférer à la télé. Va se transférer à la télévision. Et on mentionne quand même deux radios romans qui auront duré très longtemps. Jeunesse Dorée, 26 ans en ondes quand même à Radio-Canada. Et Un homme et son PG, 23 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près juste Virginie puis 30 vies qui durent comme ça. Ben, Fabienne, pour la grande dame de bien des gens. la radio, donc, va se concentrer sur l'information et sur la musique. Léon Lachance, à CKVL, début des années 50, va être le premier disc jockey québécois qui va importer le concept des États-Unis, va mettre de la musique, des hits. Et le hit parade, le palmarès va apparaître avec Léon Lachance à CKVL. L'humour également va prendre une grande place. Là, je ne peux pas nommer toutes les émissions d'humour qui ont pullulé sur les ondes, mais ici, chez Miville, évidemment, qui a été une émission assez marquante, qui est maintenant un restaurant assez marquant. un restaurant à Radio-Canada chez Miville, mais on en a écouté plusieurs extraits de chez Miville. Et c'est franchement assez bon. Tout à fait. 54, création de CJMS avec l'abbé Gadebois, la bonne chanson. C'est lui qui va créer ce poste-là. Donc, on rajoute un concurrent. Mais pourquoi Fred et Pierre Poste AM, c'est pour vous dire comment l'AM est extrêmement écouté parce qu'il ne se passe rien sur l'FM. Ça va aller plus tard dans les années 60. Et justement, les années 60 arrivent. Et là, c'est la prolifération d'une tendance qui se poursuit aujourd'hui. C'est qu'on on engage des vedettes de la télé pour faire des émissions d'opinion, d'actualité. À la radio? Des grands gueules, en fait. Oui, ça a commencé dans les années 60. Les grandes gueules existaient déjà? Ben, non. Ah, OK, non. L'actualité prend de plus en plus place et Jean Duceppe va être une grande figure assez cassée d'une émission qui s'appelle Du Pep avec Duceppe. Et là, on commence, et c'est la révolution tranquille au Québec, on commence à parler de sujets de sexualité, ce qu'on fait de plus en plus cette émission aussi pour le grand dame de bien des gens, mais également, on critique le clergé de plus en plus sur les ondes, mais ça, c'est quand même c'est un tabou et c'est assez cassé, entre autres, que ça va commencer. CJMS, comme je vous disais, se concentre sur la musique et devient une radio assez à droite, à un point tel, et il va avoir des commentateurs très conservateurs, à un point tel que Pierre Bourgault, à l'époque au RIN, va dénoncer la radio de CJMS qui considère comme réactionnaire. Alors, c'est un peu la radio jambon de l'époque. Fin des années 60, création d'un genre radiophonique qui va aussi perdurer jusqu'à aujourd'hui. Les lignes ouvertes qui n'existaient pas avant 1969. C'est Roger Lebel, grand comédien qui a joué dans un jour la nuit et du tac au tac pour les plus vieux. C'est le premier qui va faire des lignes ouvertes au Québec. En 67, création de Chaume FM, qui diffuse en français et en anglais. À l'époque, il était en français et en anglais, Chaume. Radio bilingue est déjà underground. On diffuse beaucoup de musique de la côte ouest américaine, de EPI. En fait, la musique... des jeunes, là, avec la drogue. 69, c'est cassé, vendu. On sait que c'est la presse qui possédait le poste. Non, je savais pas. Ben oui, je voulais dire. Mais je réécoute pas toutes les émissions. Vous regardez vos propres photos sur votre téléphone. Alors, c'est vendu. Ça va devenir un grand réseau télémédia. 69, création de CFGL, Jean-Pierre Coallier, qui est aujourd'hui la radio classique. Année? 69. CFGL. Les années 70, ça sera l'année des grands réseaux télémédia, radio mutuelle, c'est GMS et CKVL. Donc, ça va être partout au Québec. Les petites stations vont s'aimer, mais toutes sur le même réseau. Et là, c'est là, dans les années 70, que le AM va vraiment prôner partout. Non. Encore? Oh, ouais. Mais voyons, c'est dommage. Les années 80. Et en 77, Chaume FM, par ordre du CRTC, doit absolument diffuser seulement en anglais. Comment ça? Parce que c'est une question de bande passante et de desservir la clientèle anglophone. Il y a deux animateurs francophones qui vont claquer la porte et qui vont créer... Quoi? Ben, je sais pas, là. Quoi? Ben là, quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, ben FM? Là, c'est quoi? En 77. Et la semaine prochaine... Grand Dieu, je vais finir cette chronique. Ah oui, je vous en supplie. Oh, ouais, il va rester juste 20 ans, là. Fait que je suis désolé, là. Mais c'est un gros 20 ans. La salle se vide depuis tantôt. Non, c'est pas vrai. Mais non, Il y a des gens. Les gens sont gentils. Non, mais vraiment, je le savais pas au début. Je me suis lancé là-dedans, les yeux fermés, en me disant, bon, ouais, on va faire ça, on l'a dit au début, mais c'est fou comment c'est, c'est foisonnant et je dois. J'élude plein de petits détails intéressants, mais c'est trop vaste. Vous savez, je vais s'attaquer à un monstre. À médium large, parfois, ils donnent la deuxième heure pour une spéciale. Ouais. Et genre, on pourrait vous donner la deuxième heure de notre émission le dimanche pour une spéciale radio, une fois pour que vous vidiez le sujet. Ou je préfère un long monologue de 2 heures sur Google Plus, peut-être, oui, sur notre page. On déverse ça sur les médias sociaux. Voilà. Mais merci beaucoup, Fred. On a très, très hâte à votre quatrième partie. Franchement, merci, Fred Savard. Ah ben oui, c'est le temps d'un peu de fun. Pas contre vous, hein. Non, c'est vrai. Vraiment pas contre vous. Moi, je fais ça pour gagner ma vie. C'est notre petit quiz d'actualité. Évidemment, j'aimerais ça que tout le monde joue. J'ai 4 petites questions comme ça. J'espère que vous avez lu votre journal de Montréal ou vos 7 jours ou votre petite presse cette semaine. C'est des questions qui concernent... La petite presse. La petite presse. Mon Dieu, vous êtes chauvin. Ben, qu'est-ce que vous savez qu'il y a d'autres choses que la presse plus, Marc-André? Ben oui. Mais c'est ça, vous vivez sur le plateau, puis tout le kit. Le pire, c'est que c'est même pas vrai, il vit sur, en banlieue, c'est-tu gênant? Ben. Alors, j'ai 4 questions pour vous, et je voudrais que tout le monde joue. Là. Vous devez essayer de trouver la réponse. C'est quelque chose qui s'est passé cette semaine, ou en tout cas dans l'actualité récente. Et ma première question... Peut-être que ça va vous intéresser, Marc-André. Mmh. Mais pourquoi a-t-on vu cette semaine... Dans la salle aussi, vous avez le droit de répondre. Hein. Pourquoi a-t-on vu cette semaine, en fait, la semaine passée, Guylaine Tremblay, habillée en robe de gala, facile, avec un trophée artiste dans les mains? C'est facile, attendez un peu, il y a des gens qui crient dans la salle. Là. Est-ce que vous le savez? Ben oui, mais les gens répondent à statue de cire, c'est extraordinaire. C'est l'inauguration d'une statue de cire complètement ratée, on peut le dire. Vous trouvez? Oui, mais aucune ressemblance selon moi. C'est pas du tout le même sourire, c'est pas à peine le même regard. Ben voyons donc, pourtant je trouvais que c'était une qui était bien réussie. Ah, vous l'avez vu, hein? Oui. Guylaine Tremblay a reçu sa statue de cire, une autre au musée. Je comprends même pas l'idée d'aller au musée Grévin. On la voit. Voir des personnalités en cire. Mais c'est parce que c'est quoi l'intérêt? On la voit, tout le monde a posé, les journalistes, on l'a vu. Est-ce que là, on va se dire, ah, ben je vais aller la voir en personne, la statue de cire. Ben oui. Pourquoi j'irais voir ça? Mais elles sont pas toujours bonnes. Vous savez, Marie-Mé, on a retiré sa statue pour la recommencer tellement elle y ressemblait pas. Ah ouais, c'est vrai. À ce point-là? Oui, c'est une vraie histoire. Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même intéressant de pouvoir voir la hauteur de nos vedettes. Moi-même, j'ai une statue de cire qui s'en vient. Hein. Ah ouais. Non, c'est pas vrai quand même. C'est pas vrai. Tu sais, au Québec, tu peux croiser Cœur de pirate en attendant l'autobus sur Saint-Laurent. Oui. C'est vrai. C'est pas super excitant d'aller la voir d'un musée non plus. Ben non, mais c'est ça. Puis avec la chance, vous pouvez venir dans un bar pour rencontrer Stéphane Dompierre. Ben et moi, ça me rappelle ça, une des meilleures blagues de Fred Savard l'année dernière. Il parlait justement de cette ouverture-là. Non. On l'a dit pas. Ben là, vous avez pas le droit de la dire, ben allez-y. Il disait bon qu'on avait fait une statue de cire de Ginette Renault et que depuis ce temps-là, les abeilles étaient en burn-out. J'ai jamais fait ce blague-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai. On avait fait une statue de Ginette Renault et il manquait de cire pour faire Paul Cagelet. C'est ça que j'avais dit. Et Paul Cagelet est venu dans un colloque sur l'humour qui est disponible sur CEPAC me dire qu'il l'avait trouvé drôle. Alors, vous me prêtez de mauvaises intentions. OK, prochaine question. Quelle vedette la télé remerciait chaleureusement les féministes cette semaine? Oh, c'est une bonne question. Une vedette de la télé qui remerciait chaleureusement les féministes cette semaine. Posez-moi des questions. Une vedette de la télé. Une femme, donc? Non, c'est un homme. C'est un homme qui remercie. Éric Zemmour? Non. Un Québécois? Oui, c'est un Québécois. Okay, on a beaucoup entendu parler de ce Québécois au début de la saison télé. Jean Héroldi, tout à fait. C'est effectivement Jean Héroldi qui déclarait ça parce que, écoutez... Non, avec... Je pense que vous avez dit vedette de la télé. Marc-André Lucier. Ça va avoir une contravention de goût, si vous comprenez. Franchement. Mais vous savez, hein, c'est son émission « Quel âge me donnez-vous » qui avait vraiment suscité beaucoup de discussions et surtout quelques plaintes de féministes. Et il dit, je le cite, là, « Notre code d'écoute est extraordinaire, alors merci les féministes. » Je trouvais ça très drôle, ça, quand même. Vous savez quoi? Non. C'est le temps de notre quiz préféré. Ah. Oui, maintenant, c'est des questions préférées de nos collaborateurs ici, Jean-Sébastien, Fred Savard, pas Olivier, parce que vraiment, il y a très peu de connaissances dans le monde de la télé. C'est notre quiz morte ou vivante. Vous savez, on parle souvent de notre vieille, bonne vieille télé, puis on se pose toujours cette question. Mais coudonc, cette actrice-là, es-tu morte ou est vivante? Alors, cette semaine, j'ai 2 extraits pour vous. Tout le monde joue autour de la table, évidemment. J'ai un extrait d'un comédien. Vous devez me donner le nom de ce comédien, à entendre évidemment cet extrait-là, dans quelle série il jouait. Mmh. Et vous devez aussi me dire s'il est mort ou vivant. Bon, ça, c'est accessoire. Même. Et le deuxième extrait, c'est une série télé. C'est le thème d'une série télé. Vous devez me donner le nom de cette série télé, puis on en jase un petit peu. Alors, tout le monde est prêt, évidemment, dans la salle, qui ont été d'ailleurs beaucoup meilleurs que vous hein, depuis le début. Je vais faire tirer de... Non, mais c'est vrai. Ouais. On va dire la vérité. Alors, on écoute un premier extrait, et vous me dites, quel est cet acteur? Natacha! Hey! C'est bizarre, justement, hier soir, je t'ai vu à télé. Ah oui, puis? Très intéressante. T'avais un bon personnage, le texte était bon. Non, mais comment t'as trouvé mes seins? Hallucinant. C'est incroyable, hein? J'ai jamais autant travaillé. À cause de tes seins, je suis juste un peu étonné que t'en parles si ouvertement. En tout cas, ils te vont bien. Mais ça, c'est... Tu veux t'y toucher? Vous savez... Je connais la série, mais d'acteur... C'est quoi la série? Ben, c'est pas Catherine? Non, ce n'est pas Catherine. C'est un acteur. C'est l'acteur qu'on cherche. Oui, c'est l'acteur un qu'on cherche. Un acteur qui est pas très bon, on peut se le dire. Oh! Ah, une émission enregistrée devant le public, forcément. Oui, c'était-tu un bar? C'était-tu un bar? Ça se passait-tu dans un bar, genre? Mon Dieu, c'est... Un genre de sitcom? Ouais, c'est un sitcom, un tout genre. À fait. Un genre de sitcom, ouais, si vous voulez. Un peu un genre de Cheers québécois, un peu de chipette, évidemment. Là. Est-ce que c'est chez Denise? Non, ça... évidemment. C'est plus jeune que ça, la langue est plus jeune. Oui, oui, c'est plus jeune. Mais vous savez ce qui est drôle, c'est qu'à chaque semaine... Majeur et vacciné? Non, ce n'est pas dans Majeur et vacciné, mais on cherche le nom du comédien. Mais non, mais ça aurait déjà été ça de partie. Oui, c'est sûr. À chaque semaine, on a des vieux comédiens, ouais, des vieilles comédiennes, et Jean-Sébastien les trouve tout le temps. Mais plus c'est jeune, moins il y a de références, on dirait. J'ai plus la télé. Alors, je vous donne, hein, le comédien qu'on cherche est maintenant un réalisateur de films. Oh! Alors, on écoute. C'est Ken Scott. Voilà. Ken Scott est quelqu'un. Oui, oh! C'est le plateau. Oui, c'est le plateau. Avec Benoît Brière. Avec Bruno Blanchet? Oui, Bruno Blanchet était dans le plateau. Ça, c'était pas très bon. Et c'était effectivement très mauvais. Oh, oui. C'était mauvais, le plateau? Ouais. Bon. Il y a des gens dans la salle qui trouvaient ça bien, ouais. Bien bon. Hein? Benoît Brière formait le couple le plus incroyable de la télé, ouais. Avec Marie-France Lambert. Marie-France Lambert. Ouais, ouais, et ça a duré combien de semaines? Une saison. Ouais, une saison. Une petite saison. Oui, oui, c'est fait. Une saison complète, en fait, hein, ouais. Donc de 26 épisodes. Ouais. Ouais. Et ça venait juste avant Entre quatre yeux. Et Ken Scott est vivant. La fin pour écouter Entre quatre yeux. Oui, il est vivant. Ken Scott, mais oui, évidemment, il est vivant. Et il y a une grande carrière de réalisateur, quand même. Toujours est-il que c'était quand même. Ken Scott était l'auteur de cette série-là. Oui. Hein, saviez-vous? Ah oui, tout à fait. Il était porte-parole pour le lait aussi. À la même époque, ouais, tout à fait. Il faisait des pubs de lait. Non, mais... On fait plein de choses dans la vie. Dieu, il faut gagner sa vie. Je pensais jamais apprendre des choses en venant ici, moi. Mais vous savez, tu sais qu'on se paye pas un chalet à juste faire de la radio, hein, pour faire des choses. On a appris aussi que qui était pas très bon, Marc-André, vous venez de dire, là? Vous venez de déclarer quelque chose, là? Moi, j'ai déclaré ça, non. Ah mon Dieu, vous avez la mémoire. On va l'écouter en podcast. Ouais. On lira dans la presse plus demain. Deuxième extrait, évidemment, c'est un thème de série télé. Vous allez l'écouter. J'ai l'impression que Jean-Sébastien va tomber dessus très rapidement. On écoute. Elle pourrait, ça me dit absolument la montagne rien. Du Hollandais. Ce n'est pas la montagne du Hollandais. Est-ce que c'est Belle B? Ce n'est pas Belle B. C'est pas le nouvel album de Lisa Leblanc? Stéphane Dompierre, ce n'est pas. Je suis vraiment mélangé, là. À quoi on joue, là? Faut trouver le thème de cette série-là. OK, est-ce que c'est récent? Ça a été diffusé en 2000. Ah! 2000? Pour une demi-saison. C'est Rivière des Jérémies. Oh! Mon Dieu. Mais ce n'est pas ça, je suis désolé, Marc-André. Est-ce que c'est un téléroman ou une télésérie? C'est un téléroman quand même. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui le... Est-ce que ça a été diffusé, Jean-Philippe? Ça a été diffusé à Radio-Canada. Et je vais vous donner... Est-ce que c'était bon? Ah, probablement pas. Mais je vais vous donner quand même le comédien principal. C'était Emmanuel Bilodeau qui jouait là-dedans. Et son... évidemment, le nom de son personnage, c'était... C'était Dominique Nadeau dit le mur. Il y avait beaucoup de dit. Tu sais, par exemple, dit Jim, dit la petite caisse, dit le prof. Et c'était écrit par... Là, je vous donne un gros indice. C'était écrit par Arlette Couture. Et les enfants d'ailleurs? Non. Ah, Arlette Couture. Les filles de Calibre, les filles d'apparence. C'était Gypsies. Ben vous vous souvenez pas de Gypsies? Ben non, moi, je me souviens de Gypsies. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se souviennent de ça? Ben oui, il y a des gens qui se souviennent de ça. J'ai regardé les critiques de ça et ça avait tellement été mal reçu. Ah ouais, hein? Vous dire! Plus que Félix Leclerc? La série, avec Daniel Lavoie? Ben ça, c'était une comédie, alors Félix Leclerc, c'est moins dur, mais quand même, ça avait été tellement reçu. Mais vous avez jamais regardé ça, Gypsies? Jamais. Qui jouait là-dedans? Ben il y avait justement Benoît Brière qui jouait dans les deux séries, donc dans Le Plateau et Gypsies. Il a pas fait que des bons trucs, hein, Benoît Brière. On oublie ça. Hein. On oublie ça. Il a fait des pubs de Belle qui est excellente, par contre. Franchement. Jean-Sébastien, vous avez aucune réponse cette semaine, non. Hein? Oh, c'est trop, c'est ben, trop récent. La statue de cire, là. Ouais, vous, vous aviez la statue de cire, mais là, le public vous a aidé. Ouais. C'est les anniversaires de qui cette semaine? Oui, comme à chaque demain, semaine, on vous demande. Absolument, hein. Demain, c'est l'anniversaire de la très charismatique Julie Payette, qui aura 51 ans. L'astronaute? L'astronaute, ça va souligner ce soir dans ce party-là, probablement. Et pour son anniversaire, eh bien, on lui souhaite un nouveau vol très bientôt. Parlant vol, c'est aussi l'anniversaire de Claude Charron, qui aura aujourd'hui... C'est déplacé. Ça, c'est très déplacé, ça. Ah, je fais des liens, on fait de la radio, hein? Non, mais... qui est âgé de 68 ans, son signe zodiaque est balance et son signe chinois est chien, puisque son année de naissance est 1946. Alors, à tous les deux, joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de La Soirée est encore jeune. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. La circulation, ouais. Ou la météo. On sait plus c'est quoi. On va donner la chance à Fred de se revirer de bord. Non, c'est bon, non, j'ai... On va leur faire faire par Lisa Leblanc qui est si bonne. Oh, la circulation et la météo. Avec une finale de Jean-Sébastien. Rapidement, Fred. Ouais, mais à Rouen, pareil, direct en face de chez moi, il y a Isabelle Martin qui nous écrit « Je viens de voir un petit Suisse traverser sans prendre le temps de regarder les deux bords. » C'est une émission de service. Moi, je juge pas ce que les gens m'envoient. Heureusement, pas de voiture ni de chien. C'était son jour de chance. La vie est courte, faut être prudent. Et ça, je trouve que c'est vrai. Mathieu Aubre, la piste cyclable sur Berry est dégagée. Et ça, faut le souligner, c'est rare. Oui, ça, c'est qu'on rare. On peut rouler sur Berry pour les gens qui, qui ont des vélos. Gabriel Blais, à Laval, gros bouchon au comptoir des shakes dans mon gym du boulevard Saint-Martin. Donc, il y a des douchebags qui nous écoutent dans leur Honda Civic. Et on les salue. Merci beaucoup, Fred. Et en attendant, on va aller se retourner vers les sports avec Olivier Niquette. On va commencer par un courriel que j'ai reçu il y a quelques minutes, qu'on a reçu à l'adresse de l'émission de Denis de Duhamel Ouest. Qui nous dit... Duhamel Ouest? Ouais, il y a un Duhamel Est? Il dit bonsoir la gang, je suis un assidu de votre émission, bon surtout en balado pour des raisons pratiques, mais ce soir c'est en direct. J'ai une question de nostalgie pour vous avec l'arrivée du hockey à TVA Sport. Pensez-vous faire un retour avec le pornographe? Sinon, je vais faire avec, mais au moins une petite chronique de sport dans La Soirée est encore jeune, ça serait la bienvenue. Ah. Je sais pas comment prendre ça. C'est ben, un auditeur. Un assidu. Ben, visiblement que les gens, ils vous écoutent moins quand c'est vous. Hein. C'est pas, Mais peut-être, je sais pas, mettre plus d'extraits. Je sais pas, je lance ça comme ça, c'est peut-être des idées. Allez-y, Olivier. En tout cas, des fois, on fait des petites blagues avec le petit thème, là, avec les boules de ping-pong, les balles de ping-pong. Oui, dans le petit thème, on entend aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, on s'en rapproche du ping-pong parce qu'on va parler un peu de squash, parce que c'est l'Open de Montréal qui commence aujourd'hui. Il en parlait dans la presse plus ce matin. C'est pas très payant. Le gagnant de l'Open va gagner une bourse de 35 000 $. Et si vous voulez plus d'informations, n'allez pas sur le site de l'Open parce que ça dit « This site is under construction ». Ah, je suis allé voir. Sinon, j'ai lu dans le Journal de Montréal ce matin que selon un palmarès du Télégraphe de Londres, le Stade olympique de Montréal serait premier au monde, premier pour les projets qui ont connu les plus gros dépassements de coûts, toutes catégories confondues. Il aurait coûté 1990% de plus que prévu. Et deuxième position, on a l'Opéra de Sydney qui est à 1357%. Donc franchement, il y a de quoi de fier. Canadien a gagné hier, 2 buts de Subban, ça a beaucoup aidé, mais pas autant que la bataille qu'a livré Jared Tinordi et un autre gars. Ça change l'allure d'un match. Et d'ailleurs, il y avait un gros débat sur l'abolition des batailles au hockey cette semaine à Radio 9 avec les deux titans de la philosophie du sport, Gabriel Grégoire et Georges Larac. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va définir avec Gabriel Grégoire ce qu'est une commotion cérébrale. Le cerveau dans ta boîte crânienne va cogner sur la paroi, revient, et c'est là que les neurones se détruisent, puis c'est là que ça a des conséquences fatales. Une des conséquences fatales, la dépression, hostie. Évidemment, il y a une faille dans l'argumentaire de la dépression, hostie, et Georges Larac n'a pas perdu de temps pour le faire remarquer à Grégoire. Quand Patrice Brisebois il a dit l'année passée qu'il a souffert de dépression puis il a pris des pilules à Montréal, il se battait-tu? Non, il se battait pas. Puis il a souffert de dépression. C'était-tu lié à quoi à la tête? Il a pas mangé quoi à la tête à Montréal? C'est à cause de la pression qu'il avait. Brisebois ne s'est pas battu. Brisebois a fait une dépression, donc les batailles ne causent pas de dépression. Si je n'étais pas en train de faire une chronique de sport, je dirais que c'est un sophisme. Bref, on aurait pu penser que ça allait clore le débat, mais non, Gabriel Grégoire a tenté de jouer avec les sentiments de Larac en lui disant que c'était possible d'évoluer. Tu peux-tu grandir un peu? Mais le sport. Tu peux-tu changer? T'as changé ton alimentation au cours de ta vie? T'as mangé du bœuf avant? Last heure, tu manges des graines, mon Georges. Mais last heure... Ah, donc, attends, fais juste une petite correction quand tu dis des graines, là. Parce que... Tu manges de la luzerne, ça. OK, OK, j'aime mieux que tu dises Suzanne qu'il y a des graines. Ça marche, mon Georges. Merci. Mais j'ai rien contre les gars qui mangent des graines, OK, Jean-Charles? J'ai rien okay. Mais pas d'aller à ton resto pour pas manger de la graine. Okay. C'est ça que mais, tu veux. C'est ce qu'on appelle élever le débat. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien contre ça. La RAC, d'ailleurs, il a joué un joueur de hockey homosexuel dans une série télé canadienne, sans blague, c'est audacieux. Mais sachant cela, c'est un peu surprenant que son argument massu, ce soit celui-ci. Fait que là, Gab, vu que tu parles de football sans mise en échec, de hockey sans combat sans mise en échec, on devrait donner des bâtons de hockey aux patineuses artistiques qui jouent des games de hockey, pas de contact, qui font des triples axels, qui vont scorer après. Ben oui, c'est pas du patinage artistique, c'est du hockey. En même temps, je sais pas ce qui est plus logique, voir des joueurs de hockey qui font un triple axel avant de scorer ou des joueurs de hockey qui arrêtent de jouer au hockey pour faire de la boxe. Pensez à ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. C'est terminé, vous avez fini votre phrase. C'est passé. OK, c'est à l'acte. Vous vouliez des résultats? Non. Non, mais c'est parce qu'on a deux fans de football ici. Je sais que Fred Savard et Marc-André Lucier. Marc-André Lucier adore le football. On a plus le temps, Marc-André. Ben non, on a plus le temps. Avec nos vies de fous qu'on mène. Hein. Vous savez quoi? On a tellement reçu de réponses sur Twitter et Facebook pour les films d'horreur, et on en a reçu une par courriel, et je dois la lire. C'est quelqu'un qui nous écrit, qui nous dit... C'est quelqu'un de votre famille encore? Non, pas du tout. Non, mais vous pourriez penser, mais non, pas du tout. C'est Sébastien Roy qui nous écrit. Moi, pour moi, le film d'horreur qui m'a marqué, c'est Carrie, un film de 1976. Ouais. Chaque fois que je vois l'emplacement d'une tombe, je pense toujours à la fin du film lorsque Carrie se fait prendre la jambe par une main sortant de la terre. Mais depuis que je peux voir les photos des épouvantables recettes de Jean-Sébastien Girard, je suis heureux d'être plus vieux parce que petit, je ne crois pas que j'aurais pu supporter de telles images. Cute. C'est gentil, hein, quand même. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez une question pour Stéphane Dompierre? Oui, beaucoup de questions. Oh, très, très edgy. Malheureusement, je ne pourrais pas la poser. Ah, parce que vous reconnaissez quand cette sirène retentit, c'est que c'est la blague du jour, Jean-Philippe. Ah oui, ah alors, oui. C'est une femme qui s'en va chez son ORL. Elle dit, docteur, elle dit, c'est épouvantable. Elle dit, j'arrête pas de devenir de plus en plus sourde. Elle dit, c'est pas mêlant, c'est rendu que je m'entends même plus péter. Fait que là, le docteur, il dit, madame, prenez ceci, ça va être correct. Elle dit, ça va me permettre de mieux entendre. Il dit, non, mais vous allez péter plus fort. Franchement. Ben moi, je la trouve très drôle. Les gens ont ri quand même avec retenue dans oui. La salle. C'est ça qu'il faut retenir. Merci quand même, Jean-Sébastien. Merci à tous nos invités de ce soir. Lisa Leblanc, on achète votre prochain disque qui sort le 4 novembre. C'est tellement bon. Merci beaucoup et on merci va vous voir en spectacle. Ça. Stéphane Dompierre, on achète nu. Oui. Et on vous regarde. Boomerang, vous participez à cette série-là qui va être en onde au mois de septembre à TVA. Je me trompe-tu? Vous avez écrit une couple de trucs là pour ça? Oui, j'ai écrit un épisode avec Caroline Allard. Ah, mon Dieu, on a hâte de voir ça. Donc, en septembre à TVA, Marc-André, oui. Ben, on vous lit dans Le Devoir. Ah, là, je viens de faire... dans La Presse Plus encore. Merci à toute l'équipe. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Là, c'est vrai. Là, c'est samedi prochain à 5h. On se revoit pour d'autres soirées qui vont être encore jeunes. Merci beaucoup à tous les gens du public. Merci, bye! Oh, oui.